السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله جميعا en cette soirée du mercredi 1 Safar, premier Safar 1431 d'après le calendrier musulman, ce qui correspond au 16 janvier 2010 d'après le calendrier chrétien. Nous sommes inshallah ta'ala toujours dans l'Aqida al-Wasitiya, dans le tome 2, le cours numéro 53. La fois passée, puisqu'on est en train de parler des signes de Al-Sunna al-Jama'a, des signes des gens de la Sunna, la tradition du messager de la. Donc, on avait dit que cela avait un signe, des signes de son incroyant. Ah, leur signe, ça veut dire qu'il leur appartient. Il est de leur groupe. Quand il n'a pas leur signe, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas de Al-Sunnah. Il n'est pas de Al-Sunnah ou Jama'a, même s'il prétend l'être. Donc on corrige, Inch'Allah Ta'ala, nous ne sommes pas mercredi, nous sommes samedi. Afwan, pour cette erreur. Donc, on avait cité certains de leurs signes la fois passée, on avait dit que Al-Sunnah al-Jama'a, qu'est-ce qu'ils ont par exemple? Ils commandent la patience face à l'épreuve. Ya'muruna bis-sabri 'inda al-bala. Et ils commandent aussi la gratitude du sort, même s'il est amer. La résignation du sort, même s'il est amer. Donc, et aussi, ya'muruna bir-rida bi-murr al-qada. La foi passée, c'est la preuve. Donc, on va ajouter aussi autre chose, Inch'Allah Ta'ala, ce qui est nouveau pour aujourd'hui, c'est que Al-Sunnah ou Al-Jama'a aussi, qu'est-ce qu'ils font? Je parle d'abord en arabe, ensuite en français, yed'ouna ila makarim al-akhlaq. Ils appellent au noble caractère, wa mahasin al-a'mal, et aux bonnes actions. Wa ya'taqidouna ma'na qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, أَكْمَلُوا الْمُؤْمِنِينَ إِمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا. Et il croit à cette parole prophétique lorsqu'il a dit « Les croyants sont ceux qui jouissent de la meilleure moralité. » Ça coupe, Inch'Allah Ta'ala. Je vais faire une chose et vous allez me dire si ça coupe ou ça coupe pas. Une seconde, Inch'Allah Ta'ala. Donc maintenant, on va essayer et vous allez me dire si ça. Je vais continuer, Inch'Allah Ta'ala, et faites-moi la remarque. Même si ça coupe, dites-le moi. Comme ça, je saurai quoi faire, Inch'Allah Ta'ala. Je répète, donc ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est quoi? C'est que les gens de la Sunna et du consensus, qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent au noble caractère et aux bonnes actions et croient à cette parole prophétique où le messager a dit quoi? Il a dit, les croyants qui ont la foi la plus accomplie, sont ceux qui jouissent de la meilleure moralité. Alors, musulmans, ça coupe toujours ou ça coupe pas? Musulmans, c'est mieux, Inch'Allah Ta'ala, est-ce que c'est mieux? C'est bon, Alhamdulillah. On va voir. De toute façon, je voudrais vous dire que yani, ça coupe, parce que même vous, quand vous avez mis tout à l'heure le Coran, ça coupait. De temps en temps, on n'entendait pas la fin du verset ou bien le milieu. Al-Mu'im. Donc, les gens de la Sunna, qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent au noble caractère. Au noble caractère. Et le caractère, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut dire ici par caractère? On veut dire ce qu'il y a, ce qui est interne, ce qui est intérieur et interne dans la personne. Vous savez qu'une personne est composée de quoi? D'âme et de corps. Maintenant, on est en train de parler de l'âme, pas du corps. Le caractère a quoi? A rapport avec l'âme. Il a dit, exemple, exemple, avoir un bon caractère, une bonne moralité, c'est quoi? C'est, par exemple, être généreux. Être généreux. Être courageux. Et supporter et endurer ce qui se passe, par exemple, avec les gens. Quand on côtoie des gens, car on n'est pas des animaux, on est des gens sociaux. Ça veut dire qu'on doit côtoyer des gens. L'être humain ne peut pas vivre seul dans une forêt, par exemple. Même s'il est en Amazonie, il doit vivre avec d'autres gens. Il ne peut pas vivre seul. Pas de moyen. Et quand tu vis avec des gens, tu dois entendre d'eux des choses qui pas forcément te plaisent. Et ils doivent te faire aussi des choses qui pas tout le temps te plaisent. Donc, là, on doit avec eux, endurant, dans les limites du possible, bien sûr. Il a dit, wa an yulaqiya an-nasa biwajhin talq wa sadrin munsharih wa nafsin mutma'inna. Rentre aussi dans le noble caractère, c'est le fait, lorsqu'on rencontre les gens, on doit les rencontrer avec un visage radieux. Le contraire, c'est quoi? Le contraire, c'est de rencontrer les gens avec un visage renfrogné. Mais Ahl Sunna wal Jama'a, si tu veux faire partie d'eux, lorsque tu rencontres les gens, et en particulier les croyants, on doit les rencontrer avec un visage radieux. Et aussi avec un cœur ouvert. Un cœur ouvert. Et une âme apaisée. Alaykoum salam wa rahmatullah. Il a dit, il a dit tout ça rentre dans quoi? Ça rentre dans makarim al-akhlaq. Naam. Une seconde, inshallah ta'ala, une seconde. Salam alaykoum wa rahmatullah. Donc je disais, je disais que quand on rencontre les gens, les sunna ou jama'a les rencontrent avec un visage radieux, un visage resplendissant. Naam. Et un cœur ouvert et une âme apaisée. Tout cela rentre, donc en train de parler, on est en train d'exciter les gens à ce qu'ils l'appliquent. Quand je dis les gens aussi, bien sûr, les croyants de Al-Sunnah al-Jama'a. De toute façon, vous connaissez sûrement le hadith authentique du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit que lorsque tu rencontres ton frère avec un visage radieux, tu as déjà quoi? Une rétribution. Subhanallah al-Azim. Si on voulait vraiment les rétributions, les récompenses du Seigneur, exalté soit-il. Regardez comme c'est facile en islam. En le rencontrant et en mettant dans la tête que je lui ai souri, pas pour ses beaux yeux, mais pour plaire au Seigneur, Azzawajal. Déjà, c'est quoi? C'est une rétribution. Regardez comment en islam c'est facile d'avoir quoi? D'avoir les hasanat. Donc, il a dit. Ils appellent au noble caractère et aux bonnes actions. Aux bonnes actions. Donc tout à l'heure, vous avez remarqué, on a dit que la personne se compose de l'âme et du corps. Tout à l'heure, on a parlé de l'âme, ce qui a trait au noble caractère. Maintenant, on va parler de quoi? Du corps, ce qui a trait à quoi? Ce qui a trait à mahasin amal, c'est-à-dire aux bonnes actions. Donc des bonnes actions en rapport avec quoi? Avec le corps et les membres. Il a dit, et ceci englobe, et ce qu'on peut faire avec nos membres, avec notre corps, ça englobe quoi? Ça englobe ce qu'on fait comme adoration et ce qu'on fait pas comme adoration. Non. Comme il a dit, il a donné comme exemple, comme la vente, le fait de vendre, shira, le fait d'acheter, la location. Avec lesquels on peut avoir quoi? On peut avoir des récompenses. Il a dit, Haytou, dans la vente par exemple, dans la vente et l'achat et la location, etc. Comment concevoir que ça rentre par exemple dans les choses qui nous donnent des rétributions? Ça rentre lorsque par exemple on excite les gens, on les exhorte à ce qu'ils soient véridiques. On incite à ce qu'ils soient véridiques. Par exemple, lorsqu'ils montrent les défauts. Ce n'est pas comme certains gens qui jurent par Allah Ta'ala, le Tout-Puissant, que la chose qu'ils vendent ne contient pas de défaut. Alors qu'ils savent qu'il y a un défaut dans la chose et dans sa marchandise. Et non seulement il a menti, mais encore il a juré par le Tout-Puissant que, par exemple, sa voiture ne possédait pas de défaut. Non. Il a dit aussi, on donne conseil dans toute chose dans laquelle on peut donner un conseil. On donne conseil aux gens. À quoi? Les conseils de quoi faire, par exemple? Le conseil de s'écarter, par exemple, du mensonge, de l'escroquerie, du vol, non, du fait de cacher des défauts. Et ensuite, le cheikh rahimahullah a dit, وإذا كانوا يدعون الناس إلى ذلك فهم بفعله أولى. Il a dit, et si, à ce qu'ils ne font pas ces choses qu'on vient de citer, à ce qu'ils ne font pas ces défauts. Donc, nous-mêmes qui prêchons cette chose doit être en nous, ou on doit être loin de cette chose par prédominance. C'est-à-dire, on doit être les premiers à appliquer ce qu'on dit aux gens. Si je dis à quelqu'un, c'est pas bien de mentir, je dois être le premier à ne pas mentir. Et si je dis à quelqu'un, attention, il ne faut pas cacher les défauts quand tu vends une chose, alors moi, si je vends une chose, je dois être le premier à être véridique dans cette chose. Sinon, ça, on rentre dans quoi? On rentre dans, je dis allez, aux gens ce que je ne fais pas. Et vous connaissez, qu'est-ce qui attend? Quelle est la chose qui attend celui qui fait comme ça en islam? Le cheikh rahimahullah a dit, Had al-hadith, il a dit ce hadith, quel est le hadith? Le hadith que je vais citer maintenant, je vais citer un hadith, ce hadith, Dieu de chaque croyant. Je vais citer le hadith, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Ekmalul mu'minina imanan ahsanuhum. C'est-à-dire que le meilleur des croyants, c'est celui qui a le plus noble caractère. Naam. C'est-à-dire c'est le meilleur qui a la meilleure moralité. C'est celui-là qui a la foi la plus accomplie. Naam. Donc, à la foi la plus accomplie, celui qui jouit de la meilleure moralité. D'ailleurs, c'est un hadith authentique. Vous pouvez le trouver dans Sahih Abi Daoud, dans le numéro 4648. Numéro 4648. Donc ce hadith dit, cher, tout croyant doit l'avoir entre ses yeux. Entre ses yeux. Le messager d'Allah a dit que, à la fois la plus accomplie, celui qui a la meilleure moralité, il a dit, ça rentre ici quoi? Ça rentre le fait d'être bienfaisant avec Allah subhanahu wa ta'ala et le fait d'être bienfaisant, c'est-à-dire envers Allah et aussi envers ses serviteurs. On doit avoir un bon caractère et une bonne moralité. Envers qui? Envers notre Seigneur et envers les serviteurs. Quant à envers le Seigneur, ordre avec quoi? Avec acceptation et application. Quand je sais que mon Seigneur m'a dit une chose, ou m'a ordonné une chose, que ce soit lui, exalté soit-il, ou bien son messager, que la paix soit sur lui, je dois quoi? Je dois recevoir ses ordres avec quoi? Avec, comme j'ai dit tout à l'heure, un cœur apaisé. Et je dois vite appliquer l'ordre qui m'a été enjoint. Pourquoi? Car il y a des gens qui n'acceptent pas, ou bien n'acceptent pas du tout les ordres et les jugements de leur Seigneur, ou bien ne les acceptent qu'après avoir fait la polémique, avoir dit pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi pas ceci, pourquoi pas cela. C'est comme si on voulait quoi? C'est comme si on voulait donner des conseils à notre Seigneur. C'est comme si on voulait lui dire qu'il aurait été préférable que vous auriez fait ceci ou cela. Et ceux qui pensent comme ça, bien sûr, ce sont des gens qui n'ont pas connu leur Seigneur, n'ont pas connu vraiment comment est le Seigneur, exalté soit-il. C'est pour ça qu'ils croient qu'il peut se tromper ou qu'on peut lui montrer des choses et lui donner conseil. Non. Donc, il a dit on accepte et quoi? Et on applique. Pourquoi il a ajouté on applique? Car ça ne sert à rien si j'apprends une chose, hein, je sais que telle chose est ordonnée, ensuite je ne l'applique pas. À quoi ça sert? Non. À quoi ça sert de connaître la chose? Je ressemble un peu en ce sens-là. Je ressemble à qui? Je ressemble aux Juifs. Aux Juifs qui connaissent par cœur la Torah, connaissent par. Et il y en a même qui connaissent le Coran par cœur, mais sont vraiment loin d'appliquer ce qu'il y a dans le livre et dans leur livre. وأنت تتلقى أحكامه الكونية بالصبر والرضا وما شابه ذلك. Ça, c'est par rapport au jugement juridique et aux ordres juridiques. Quant au jugement universel, c'est-à-dire ce qui se passe dans ce monde et ce qui t'arrive à toi aussi, comme malheur et chagrin, etc., que ça soit qu'il arrive par le biais des hommes, comme quelqu'un qui te frappe, quelqu'un qui te blesse, quelqu'un qui te vole, c'est un malheur par le biais d'une autre personne, ou bien qui vient directement du Seigneur, comme un tremblement de terre, comme des choses pareilles. Non, il a dit, on doit accepter ces choses-là avec quoi? Avec patience et agrément. On doit patienter, car on sait d'où c'est venu, et que si le Seigneur, exalté soit-il, n'avait pas voulu que cette chose arrive, elle ne serait pas arrivée. Et on doit aussi agréer tout ce que fait le Seigneur, agréer ton bon comportement avec les gens, c'est-à-dire avec ses serviteurs. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il a dit, être généreux, retenir son mal, ne pas faire le mal, et avoir un visage radieux. Trois choses. Être généreux au maximum. Retenir son mal, le mal ne pas, et avoir un visage radieux. Avoir un visage radieux. Quand on dit être généreux, hein, on peut être généreux soit en faisant par exemple, on est généreux. Quand on ne retient pas, ce qu'on a, c'est le signe de la générosité. Et on donnait plus que il nous a été ordonné de donner. Quant à retenir son mal, on va citer le hadith du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. C'est un hadith authentique qui se trouve aussi dans Sunan Abi Daoud, sous le numéro 2481, où le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Il a dit, le musulman c'est qui? C'est celui, c'est la personne dont les musulmans, men saliman muslimun, dont les musulmans, ils sont à l'abri. Sont à l'abri de quoi? Sont à l'abri du tort que peut causer sa langue et du tort que peut causer sa main. Vous savez que il n'y a pas comme la langue pour causer du tort. Et il n'y a pas aussi comme la main. Avec la langue, on peut calomnier, on peut mentir, on peut insulter. L'islam a dit quoi? A dit que le vrai musulman, le musulman le vrai, c'est celui dont les autres musulmans sont à l'abri de quoi? À l'abri de sa langue et à l'abri de sa main. À l'abri de sa langue et à l'abri de sa main. Voyez. Ensuite, on va passer à autre chose. Ensuite, Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit en haut, il a dit وَيَنْدِبُونَ إِلَىٰ أَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ. Et les gens de la Sunna incitent. Ils incitent à quoi? Ils incitent à faire les liens avec ceux qui les coupent. C'est-à-dire, il a dit, il faut que tu fasses les liens avec celui qui les a coupés. Et tu donnes à celui qui te prive. Tu donnes à celui qui te prive. Et tu pardonnes à celui qui te fait du tort et à celui qui te lèse. Donc je répète, les gens de la Sunna et du consensus, qu'est-ce qu'ils font aussi? Yendiboun. Yendiboun. C'est-à-dire qu'ils incitent les autres à quoi? Antasila men qatak. À ce que tu fasses les liens avec ceux qui ont coupé les liens avec toi. Et quand on dit tu fais les liens, c'est-à-dire avec qui? Min al-aqarib, avec les proches. Les proches dont il était obligatoire d'avoir des liens avec eux. Même s'ils ont décidé de couper les liens. Le Cheikh Rahimullah a dit, même s'ils décident de couper les liens, tu dois, toi, garder et maintenir les liens. Il a dit, la taqul, ne dis pas, men wasalani. Ne dis pas quiconque, s'il les coupe, je les coupe. Il a dit ne dis pas cela. Ça, il a dit, ce n'est pas le maintien des liens. Car le messager, alayhi a dit, leysal wasilu bin mukafi. Le messager, alayhi a dit, leysal wasilu bin mukafi. Celui qui entretient vraiment les liens avec ses proches parents, ce n'est pas celui qui rend l'appareil. Comme ça a dit le messager d'Allah. Il a dit, celui qui entretient vraiment les liens avec ses proches parents, ce n'est pas celui qui rend l'appareil. Innama al-wasil man ida quti'at rahimuhu wasila wasada. Mais celui qui entretient vraiment les liens, c'est celui qui entretient les liens avec ceux qui les ont rompus. Hadith rapporté par coupe, je coupe. Ce n'est pas ça, celui qui entretient les liens en islam. Mais en islam, celui qui entretient les liens avec ceux qui les ont rompus. Car lorsque tu entretiens les liens avec ceux qui les ont entretenus, tu n'as rien fait que rendre l'appareil. Quelqu'un t'a fait un bien, tu lui as rendu, c'est tout. Mais nous, on est en train de parler de ceux qui rompent les liens. Et toi, tu les maintiens. C'est pour ça que parce qu'il y a une fois un homme a demandé au messager que la paix soit sur lui. Il lui a dit, j'ai des proches. Asilohum. Je maintiens les liens avec eux et je leur fais du bien. Ils me font du mal. C'est-à-dire, je leur pardonne, mais ils sont arrogants avec moi. Alors le messager de là, que lui a-t-il répondu? Il lui a dit, in kunta kama qult. Si vraiment tu es comme tu dis là, si vraiment ce que tu dis est vrai, fakannama tusifuhum al-mal. C'est comme si tu leur soufflais de la cendre chaude dans leur bouche, ou bien du sable. وَلَا يَزَلُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَاهِرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ. Et tant que tu es dans cette position que tu viens de me raconter maintenant, il y aura toujours avec toi une aide du Seigneur Azza wa Jalla. Le Seigneur te sera toujours en aide. Pourquoi? Parce que tu fais exactement le contraire de ce qu'ils font en bien. Eux, tu dis toi qu'ils rompent les liens, toi tu les maintiens. Ils te font du mal, toi tu leur fais du bien. Et ils sont arrogants avec toi, et toi tu leur pardonnes. Alors vraiment, si tu es comme tu dis, c'est que tu leur soufflais du sable ou bien de la cendre chaude dans leur bouche. Et ça veut dire quoi? C'est une métaphore pour dire que quelqu'un, si on va lui mettre de la braise, par exemple, dans sa bouche, ou bien de la cendre chaude, c'est vraiment un châtiment, c'est vraiment un supplice. Alors que qu'en sera-t-il le jour de la résurrection? Tu dois dire que le sunna ou jama'a, donc les gens de la sunna et du consensus, incitent les gens à ce que quoi? À ce qu'ils maintiennent les liens de ceux qui les rompent. Non. De ceux qui les rompent. Il a dit, Cheikh Rahimahullah a dit, si maintenant ils incitent les gens à quoi? À ce qu'ils maintiennent les rangs, à maintiennent c'est pas les rangs, les liens, maintiennent les liens de ceux qui les coupent. Donc, par prédominance, qu'on doit maintenir les liens de ceux qui ne les coupent pas. Comprenez ce que vous qui coupent les liens avec toi, toi tu les coupes pas. Alors qu'en est-il si eux ils les coupent et que c'est un proche, alors il a quoi? Alors il a deux droits. Le droit d'être un de tes proches et le droit que tu lui donnes la rétribution. Par exemple, il te rend visite, etc. Hein? Si un proche te rend visite, par exemple, et vient te voir, il a quoi? Il a alors deux droits. Le droit de parenté et le droit que tu dois le récompenser pour t'avoir, par exemple, rendu cette visite. Car le messager a dit, Men sana ilaykum ma Bukhari. Il a dit, quiconque vous fait un bien, vous devez le récompenser. Et celui-là, le fait d'être venu chez toi et il a demandé sur toi, sur ta famille, sur tes enfants, celui-là mérite bien sûr une récompense. Et vous savez, en islam, il y en a que la récompense n'est pas toujours quelque chose de matériel. C'est pour ça que le messager d'Allah a dit dans un hadith authentique, il a dit, quand quelqu'un te fait un bien, alors si tu n'as pas de quoi, par exemple, le récompenser matériellement, alors au moins, fais-lui des doigts. Fais-lui des doigts, des invocations, invoque le Seigneur en sa faveur. Non, invoque. Et dans un autre hadith, il a dit, si quelqu'un dit à quelqu'un qui fait du bien, lui dit, Jazakallahu khayran, il a dit, c'est que vraiment il l'a rétribué. Il n'y a pas mieux que ça. Non. Donc, les gens du consensus disent quoi? Disent que on doit maintenir les liens avec ceux qui les coupent. Et tu dois donner à celui qui te prive. Tu dois donner à celui qui te prive. Non. Et le cheikh Rahman l'a dit, ne dis pas X m'a privé, alors je vais le priver aujourd'hui moi aussi. X m'a privé, je vais le priver aujourd'hui. Ça, ce n'est pas un des signes de Al-Sunnah ou le Jama'a. Et maintenant, ça me rappelle l'histoire de que vous connaissez tous. Une seconde, en cachette, il donnait de l'argent, disons, chaque mois, disons, comme une paye à une certaine personne. Hein? Chaque mois, il lui donnait, hein, une certaine somme puisse subvenir à ses besoins. Cette personne qui s'appelait Mista était vraiment pauvre. Or, une fois, vous savez que Aïcha, notre mère, l'une des épouses du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, naam, celle-là, les ennemis du messager d'Allah, les ennemis d'Allah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les équins qui s'appellent Sofwan ibn Mu'attal, naam, ils l'ont calomnié avec cette personne. Or, Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu s'appelait Mistah, c'est-à-dire l'un des calomniateurs était qui? Était quelqu'un, était une des personnes à laquelle Abu Bakr Siddiq donnait comme une paye comme ça à chaque mois. Donc Abu Bakr Siddiq, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, puisque Mistah a fait partie de ceux qui ont cru, je ne vais plus lui donner ce que je lui donnais. Je ne vais plus lui donner ce que je lui donnais auparavant. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre un vire à Abu Bakr et l'inciter à ce qu'il n'arrête pas ce qu'il donnait, mais à ce qu'il devait continuer à donner ce qu'il donnait. Et le verset se trouve dans Sourate An-Nur. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Kum, Allahu ghafur rahim. Wa la ya'tali ulul fadli minkum wassa'a an yutu lil qurba wal yatama wal masakin. Comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Allah ta'ala a dit, et que, parce que Abu Bakr Siddiq a juré par Allah qu'il n'allait pas donner. Allah ta'ala a dit: Wa la ya'tali, que ne jure pas. Ne jure pas, ne jurez pas par moi de ne pas aider les pauvres et les gens, etc., avec ce dont Allah Ta'ala vous a donné comme faveur et comme argent et comme bien. Ensuite, il a dit à la fin: Allah tuhibbuna, ne voulez-vous pas que Allah Ta'ala vous pardonne? Abu Bakr, quand il a su que ce verset était pour lui, il a dit: Si, si, si, je veux qu'il me pardonne, je veux qu'il me pardonne, et il a continué à donner à cette personne. Donc, imaginez, il faut imaginer ça dans ce qu'on vit, dans ce qu'on vit, dans la réalité. Imagine que quelqu'un dise sur ta fille quoi, qu'elle avait fait la fornication, alors que ta fille, c'est l'une des femmes les plus pures dans le monde, au monde, pas en Algérie ou là en France ou là en Arabie Saoudite, au monde, l'une des plus pures dans le monde. Et on dise d'elle, et encore qui? L'une des plus aimées par le messager, alayhi salam. Et on dise d'elle cette chose: c'est ta fille, et tu continues à lui donner une paix comme ça, une fois par mois, ou là, subhanallah, c'est que vraiment, on applique, yani, ce que Allah Ta'ala veut. Moi, il a dit ici, Cheikh dit, wa an ta'fou an man zalamak, et tu dois pardonner, pardonner à celui qui t'a fait du tort. Et celui qui t'a lésé. Et ce qui s'est passé entre Abu Bakr Siddiq et Mistah, c'est aussi la même chose. Il a pardonné à celui qui lui a fait du tort. Mais Cheikh Rahimahullah va dire ici quelque chose de très important. Il a dit: Walakin l'afwa innama yakun inda al-qudrati ala al-intiqam. Fa anta ta'fu ma'a qudratika ala al-intiqam. Regardez, c'est très important ici ce qu'a dit le Cheikh. Il a dit: mais pardonner, le pardon, ça se conçoit quand est-ce? Quand on a la possibilité de se venger de celui qui nous a fait du tort. Car si on ne peut pas se venger, on ne peut pas dire que j'ai pardonné. Vous comprenez? Je pardonne. Quand est-ce qu'on voit vraiment que quelqu'un est pardonneur? S'il a la possibilité, par exemple, de se venger. Mais s'il ne peut pas, s'il ne peut pas se manger. Comment alors concevoir que, je donne un exemple, quelqu'un m'a volé une chose. Je peux quoi faire par exemple? La moindre des choses, je peux aller déposer une plainte. Je peux aller prendre un bâton et le frapper. Je peux faire 1 000 choses si je veux. Mais je lui pardonne. Et je ne fais rien. Et pour le visage, je lui dis: je t'ai pardonné. C'est là que vraiment ça prouve que j'ai pardonné. Pourquoi? Parce que si je voulais, j'aurais pu faire comme lui ou plus grave. Comme lui ou plus grave. Mais je lui ai pardonné. C'est là qu'on sent vraiment que j'ai pardonné. Mais si par exemple je ne peux rien faire, ni je peux aller au commissariat, ni je peux le frapper, ni je peux le rencontrer encore une fois, donc ici, c'est si je pardonne, je pardonne pas, ça n'a pas une grande influence. Mais quand je peux me venger et je pardonne, vraiment c'est là que ça prouve que j'ai fait quelque chose. D'ailleurs, cette chose-là, c'est l'âme. Il se trouve aussi où? Il se trouve aussi dans un hadith authentique. Hadith authentique. La preuve de quoi? Que yani, pardonner alors qu'on peut se venger, ça fait vraiment cette un signe de grande piété, de grande piété. Rabbikoum Jannah. Et concourez à un pardon de votre Seigneur et à un paradis. Et concourez à un pardon de votre Seigneur et à un paradis. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Donc Allah Ta'ala dit, concourez vers un pardon de votre Seigneur et vers un paradis large comme les cieux. Large comme les cieux et la terre. Large, ce paradis sera large comme les cieux et la terre. أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Ce paradis a été préparé pour qui? Pour les pieux, les muttaqin. Ensuite, le Seigneur, exalté soit-il, va montrer maintenant qui sont les pieux. Il a dit, Alladhina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Ceux qui font l'aumône dans l'aisance, quand ils sont à l'aise, et dans les moments difficiles. Et ensuite, qui encore? Qui sont les pieux? Il a dit, Wal-kazimina al-ghayd. Et ceux qui, il a dit, voilà le témoin du dos, et ceux qui pardonnent à autrui. Ceux qui pardonnent à autrui. Et Allah Ta'ala, c'est qui les pieux ici, il a dit? Les pieux qui, un grand paradis, comme les cieux et la terre les attend, c'est qui, entre autres, il a dit? Et ceux qui dominent leur colère, ceux qui retiennent leur colère, et ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Et pardonnent à autrui. Donc, le fait de retenir sa colère et de pardonner à autrui, ça rentre dans les pieux qui, quoi? Un grand paradis les attend demain quand ils vont mourir. Et écoutez le hadith du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit que quiconque retient une colère alors qu'il peut l'exécuter. Écoutez bien cette phrase. Alors qu'il peut l'exécuter. C'est comme j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il a la possibilité de se venger. Quiconque retient sa colère alors qu'il peut l'exécuter, alors Allah l'appellera. Allah, le Seigneur l'appellera le jour de la résurrection devant tous les gens. Pourquoi? Pour le faire choisir d'entre qui il veut parmi les femmes du paradis, les houris. Hadith, il est bon, rapporté par Sunan Abi Daoud, numéro 4700. Je répète le message. Quiconque retient sa colère alors qu'il peut l'exécuter, alors il aura comme récompense que Allah Ta'ala l'appellera devant tous les gens le jour de la résurrection pour lui faire choisir parmi les femmes du paradis qui il veut. Allahu Akbar. Donc pour celui qui retient sa colère alors qu'il peut l'exécuter. Quels sont les bienfaits, quels sont les buts du pardon et le fait de retenir sa colère? Premièrement, pourquoi j'ai retenu ma colère et je ne l'ai pas exécuté? Est-ce que je veux quelque chose de quelqu'un, de ce quelqu'un? Non, je l'ai fait pour le visage du Seigneur. Je le veux, je l'ai fait pour le visage du Seigneur. Et bien sûr, Allah Ta'ala a dit que quiconque pardonne, bien sûr, il a dit que il aura bien sûr beaucoup de hasanat, il aura beaucoup de rires. Comme il a dit dans le Coran, فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُ عَلَّهِ. Et qui, donc, sa rétribution entre toi, il est courageux. Est-ce que maintenant vous entendez, c'est mieux ou là c'est la même chose? Muslim, est-ce que c'est mieux maintenant ou là c'est la même chose? Alhamdulillah. Maintenant c'est mieux. Donc j'ai dit que lorsqu'on pardonne à une personne, lorsqu'on pardonne, qu'est-ce qui va se passer? Ça va renforcer les liens d'amour entre moi et cette personne. Mais si jamais je lui rends le mal par le mal, je n'ai rien fait. Bien au contraire, ça va empirer. Les relations vont vraiment refroidir et ça va empirer entre moi et lui. Et écoutez bien le verset qui va venir et qui montre, subhanallah al-adhim, le créateur qui t'a créé, qui t'apprend comment tu dois faire avec les gens, comment tu dois faire avec autrui quand quelqu'un te fait du mal. Et il te garantit les résultats. Écoutez bien ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans la sourate qui s'appelle Fussilat, du verset 34. Verset 34. Écoutez ce que Allah Ta'ala dit. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا سِيَّةُ. La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Idfa billati hiya ahsan. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Et qu'est-ce qui va se passer? Fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawa ka'annahu waliyun hamim. Repousse le mal par ce qui est bien, ce qui est meilleur, et voilà que celui avec lequel tu avais une adversité, le voilà devenu tel un ami chaleureux. Subhanallah, Allahu Akbar. Je répète, écoutez Allah Ta'ala ce qu'il a dit. Allah Ta'ala qui nous connaît bien, c'est lui qui nous a créés. Il connaît nos forts intérieurs, nos tréfonds, les tréfonds des âmes, il les connaît. Il a dit, la bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal parce qu'il est meilleur, et voilà que celui avec lequel tu avais une adversité, le voilà devenu tel un ami chaleureux. Subhanallah adim. Alors, essayez-le, appliquez-le, et vous verrez le résultat qui jamais, hein, jamais ne s'attardera. Quel résultat? Essaye d'appliquer, de faire du bien à la personne qui vient de te faire du mal. Et tu verras, l'une te aura dit, moi je connais bien cette personne et je l'ai créée. Elle veut te faire du mal. Fais-lui du bien et tu vas voir comment elle va vite se transformer et devenir un ami intime, un ami chaleureux à toi. Naam. Mais ici, il y a une chose très importante. Quelle est la chose la plus importante? C'est ce que va dire Cheikh ici. Il a dit, فَالْعَفُوْ عِنْدَ الْمَقْدِرَةِ مِنْ Quand on nous fait du mal, c'est un des signes des gens de la sunna du consensus. Soit réformateur et réparateur. Il a dit, فَإِنْ تَضَمَّنَا الْعَفُوْ إِسَاءَةً فَإِنَّهُمْ لَا يَنْدِبُونَ ذَلِكَ. Il a dit, si le fait de pardonner contient en lui-même un mal, il a dit, alors la sunna n'incite pas les gens à cette chose. Parce que Allah Ta'ala a donné comme condition dans Sourate Shura, verset 40, il a dit, فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَا فَأَجْرُهَا لَلَّهِ. Vous avez bien entendu, فَمَنْ عَفَا, quiconque pardonne, وَأَصْلَحَا, et répare, réforme, alors sa rétribution incombe à Allah Ta'ala. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que des fois on pardonne là où il ne faut pas pardonner. Car Allah Ta'ala dit, فَمَنْ عَفَا, quiconque pardonne, وَأَصْلَحَ, et répare. Je pardonne quand je sais que ça va réparer les choses. Quand c'est dans le sens du bien. C'est-à-dire que je ne pardonne pas si je sais que je vais être la cause. C'est-à-dire le pardon que je vais pardonner va être la cause d'un autre mal. La cause d'un autre mal. Vous allez dire comment par exemple, pardonner à quelqu'un, ça va être la cause du mal. Je vais donner un exemple. Par exemple, si je vais pardonner à un criminel, alors que je connais bien ce criminel, et que je sais que si je lui pardonne, il va continuer dans son crime. Non. Donc dans ce cas, lui pardonner, au lieu qu'il soit que je lui pardonne. C'est un peu, par exemple, comme disent les savants, par exemple, disent l'esclave. Est-ce que c'est bien d'avoir un esclave en islam, ou bien c'est bien de le libérer? Sûrement, en islam, c'est bien de le libérer, pas de le garder, de l'affranchir pour le visage du Seigneur. Mais maintenant, si je sais, j'ai des preuves, des preuves flagrantes, je sais que si je vais libérer mon esclave, il va rejoindre les ennemis, il va rejoindre mes ennemis qui me font la guerre. Et par conséquent, donc si je l'affranchis, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fortifié les gens, j'ai fortifié les rangs de mes ennemis. Donc je l'ai libéré pour qu'il aille en face de moi prendre des armes et venir me tuer. Dans ce cas, ce n'est pas bien de pardonner. Donc vous avez compris? Pour pardonner en islam, il faut que je sache que si je pardonne, ça va donner quelque chose de bien. Ça va réparer, ça va réformer. C'est pour ça que Allah Ta'ala a bien dit, « فَمَنْ عَفَا, quiconque pardonne, وَأَصْلَحْ, et réforme et répare. » Et ce n'est pas pardonne, alors que je sais que si je lui pardonne, il va faire du mal encore plus et ça va empirer. Dans ce cas, ce n'est pas bien de pardonner, même s'il est très mauvais de pardonner. On peut même avoir des péchés. Naam. Ensuite, le cheikh Rahimahullah a parlé de yani, a dit et la bonté avec les parents. Donc, cette chose-là, je crois que ce n'est pas la peine de citer ce qu'il y a comme verset, etc. Il n'y a pas un musulman qui ne connaisse pas cela. Il n'y a pas un musulman qui ne connaît pas que le fait d'être bon avec les parents et de leur obéir, c'est quelque chose de capital en islam. Au point où il y a un verset où le Seigneur exalté soit-il, wa la tushriku bi shay'in wa bil walidayni ihsana. Il y a un verset où Allah Ta'ala a cité quoi? Que on devait adorer le Seigneur et ne pas lui associer. Et directement après cela, il a dit, et on doit aussi, c'est-à-dire, obéir aux parents. Tellement ça a de l'importance, c'est venu juste après l'ordre de son adoration exaltée soit-il. C'est venu juste comme deuxième ordre, c'est quoi? C'est d'être bon et d'être bien et d'avoir la piété envers ses parents. Enfin, vous rappelez que les parents, ça a un grand, grand rôle dans la vie du croyant. Que les croyants, que les parents soient musulmans ou qu'ils soient des kofars, qu'ils soient des musulmans ou qu'ils soient des mécréants. Non. On doit être bien avec lui, avec eux et leur obéir. À moins qu'ils ne nous ordonnent de faire quelque chose qui se contredit avec l'islam. Si mon père ou ma mère m'ordonne, me donne un ordre en contradiction avec ce que m'a ordonné mon Seigneur ou mon messager, dans ce cas, je leur apprends gentiment, avec sagesse, que leur désobéir ici, ça devient quoi? Ça devient une obéissance au Seigneur. Et leur obéir, ça devient une désobéissance à quoi? Au Seigneur. Car même logiquement, ça ne marche pas. Logiquement, ça ne marche pas. Imaginez qu'une personne me dise, il faut obéir à X. X me dit, il faut obéir à Y. Ensuite, Y va me dire quoi? Il faut désobéir à X. Est-ce que c'est logique? Comment? X est en train de m'inciter à ce que je t'obéisse et toi, m'a demandé d'obéir. Alors comment toi tu m'ordonnes de lui désobéir? Ça marche pas. Alors c'est la même chose. Le Seigneur, c'est lui qui m'a demandé et m'a ordonné et m'a menacé même. Il m'a menacé de ne pas obéir au Seigneur en faisant des choses qui sont illicites. Dans ce cas, ça marche pas. Et vous savez tous que les parents, que ce soit le père, que ce soit la mère, ont quoi? Ont une grande place et un que le statut du père. Comme dans le hadith que vous connaissez, quelqu'un a demandé au messager d'Allah, et son salam lui a dit, Ya Rasulallah, au messager d'Allah, dis-moi, lequel des gens, yani, est le plus prédominant dans yani, les gens que je dois côtoyer, que je dois prendre comme ami. Il lui a dit, ta mère. Il lui a dit ensuite, il lui a dit, ta mère. Il lui a dit, et ensuite, il lui a dit, ta mère. Dans un autre hadith, la quatrième fois, il lui a dit, et qui? Il lui a dit, ta mère, quatre fois. Et il lui a dit, alors, qui après? D'accord, ma mère, qui après? Ensuite, il a dit, ton père, vraiment, Yannick, c'est la mère, la mère, la mère, la mère, ensuite, le père. Et tout le monde sait pourquoi la mère, Yannick, devance le père, car le père n'a pas souffert, comme a souffert la mère quand, par exemple, elle avait dans son ventre. Si on comptait les souffrances de la mère pendant les 9 mois qu'elle avait l'enfant dans le ventre, hein, on va compter tout ce qu'a fait le père, ça ne peut pas l'égaler. Ça ne peut pas l'égaler. Certes, le père a souffert quand il va au travail, quand il va aller pour gagner de l'argent, quand il court à droite et à gauche, sous la pluie, sous le vent, etc. Mais tout ça ne peut pas égaler la souffrance de la mère quand elle a le bébé dans le ventre et quand, déjà au premier mois, les vomissements qu'elle commence à avoir, la tête qui tourne, ensuite Yani les contractions, la douleur, etc. Ensuite, les logis, etc. Des choses vraiment difficiles. Hein. C'est pour ça que la mère a cette priorité sur le père. Et il y a le verset où Allah Ta'ala, subhanahu wa ta'ala a dit, yani entre autres, il a dit, Isra 24. C'est-à-dire, et dit, ô mon Seigneur, fais-leur à tous deux, miséricorde. Pourquoi? Kamarbayani tout petit. Comme ils m'ont élevé tout petit. C'est-à-dire que yani, leurs droits sur toi sont vraiment plus grands que même si tu fais tout ce que tu fais maintenant que tu es âgé. Maintenant que tu es âgé, fais-leur tout ce que tu veux. Ça n'égalera jamais leur droit sur toi. Pourquoi? Car ils t'ont élevé quand tu étais tout petit. Hein? Quand tu ne savais rien, tu ne pouvais rien, quand tu faisais les choses sur toi-même. Hein? Tu faisais les choses sur toi-même. Et ils t'enlevaient ces choses et te faisaient des couches et te nettoyaient, etc. Déjà tout petit. Donc jamais tu ne pourras quoi? Tu ne pourras leur rendre la pareille. C'est pour ça qu'on cite. Il y a un hadith qu'on appelle Athar, mawquf sur un certain sahabi, comme quoi, pardon, Abdullah ibn Omar, très connu, Abdullah ibn Omar, le fils de Omar al-Khattab. Une fois, il était yani, devant la Mecque, devant la Kaaba, devant la maison qui s'appelle la Kaaba, et il y avait quelqu'un qui portait sa mère, qui était vieille, il la portait sur ses épaules, sur son dos, et il tournait avec elle autour de la Kaaba. C'est vraiment difficile de prendre une personne, elle est sur son dos, et de tourner avec. Quand cette personne a terminé, elle a dit à Abdullah ibn Omar, et Abdullah ibn Omar, tu as vu, Annie, comment je faisais avec ma mère, la portant sur mon dos, tournant autour de la Kaaba avec elle. Est-ce que tu penses que je lui ai rendu l'appareil de ce qu'elle m'a fait, Annie, quand j'étais jeune? Non. Abdullah ibn Omar, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Oh que non, oh que non. Ça, en faisant tout ce que tu as fait, tu ne lui as même pas rendu hein, ce qu'elle a souffert dans une contraction. Une contraction quand tu étais dans son ventre. Une contraction. Quand elle voulait t'accoucher, il y a plusieurs contractions. L'une des contractions, tu ne l'as pas égalée. Tu n'es pas arrivé à lui rendre une contraction des contractions qu'elle a eues lors de ton accouchement avec tout ce que tu as fait maintenant. Yani en la prenant sur ton dos. Subhanallah, mais il lui a dit, tu as fait du bien. Tu as fait du bien en la portant sur ton dos. C'est pour ça que il y a un hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, où une personne est venue lui poser la question. C'est un hadith qui se trouve dans Sahih Bukhari. Une personne a dit au messager d'Allah, ô messager d'Allah, quelles sont les meilleures actions yani aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Quelles sont les meilleures actions yani, que Allah subhanahu wa ta'ala aime le plus? Il a dit, allez, que tu fasses, que tu accomplisses la prière en son moment. En son moment précis. Il a dit, et quoi encore? Quoi encore? Il a dit, birrul walidain, la bonté envers les parents. Il a dit, et quoi encore? Il a dit, el jihad fi sabilillah. Le jihad, la bataille, hein, dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, vous remarquez avec moi quoi? Vous remarquez que birrul walidayn, ici, la bonté envers les parents, a été citée dans quelle position? En deuxième statut. La première, c'est salat. Al-waqtiha, salat, la bonté envers les parents. Donc vous voyez pourquoi ça a commencé par la salat. C'est très simple. La salat, c'est un droit de qui? Droit du Seigneur. Et la bonté envers les parents, droit de qui? Droit des parents. Et tout à l'heure, on a dit que le droit du Seigneur prime sur le droit de qui? Le droit d'autrui. C'est-à-dire le droit du Seigneur prime sur le droit des créations. Car ici, c'est le droit du créateur. Donc, le droit du créateur prime sur le droit des créatures. Non. Ensuite, En troisième position vient quoi? Vient le djihad fisabilillah. Hein? Pourquoi? Birlualidé. Pourquoi la bonté et l'obéissance fisabilillah? Tout simplement parce que quelqu'un qui, par exemple, n'obéit pas à ses parents, comment, par exemple, pourra-t-il obéir à quelqu'un qui ne connaît pas s'il va à la guerre sainte? Quand on va à la guerre sainte en islam, c'est comme les takfiris, c'est-à-dire c'est fawda, c'est-à-dire c'est désordonné ou là c'est très ordonné en islam, la guerre sainte. C'est ordonné ou la désordonné? C'est ordonné. Pourquoi? Car c'est une adoration. Si c'est ordonné, qu'est-ce qu'il y a entre autres? Entre autres, il y a quelqu'un qui guide. Il y a quelqu'un qui guide cette bataille. Le chef, les sous-chefs auxquels on doit obéir. Ça. Maintenant, si moi, j'obéis pas à mon père, qui a été la cause de ma création, et j'obéis pas à ma mère, qui a été la cause de ma création, comment vais-je obéir à quelqu'un que je ne connais pas du tout, qui est très loin de moi? Comment vais-je obéir à mon chef dans le djihad? Et premièrement. Deuxièmement, vous savez que le djihad en islam se divise en deux. Il y a le djihad offensif, hein, c'est toi qui vas chercher l'ennemi, et il y a le djihad défensif, c'est lui, l'ennemi qui est venu chez toi. Le djihad offensif, il n'est pas permis en islam s'il n'y a pas quoi? Le consentement des parents. Si c'est moi qui veux aller chercher l'ennemi dans son pays, je dois, l'une des conditions, c'est que mes parents acceptent. Mes parents acceptent et me donnent quoi? L'acquiescement pour pouvoir aller au djihad. D'ailleurs, il y a des hadiths authentiques en ce sens. Et vous, quelqu'un a dit, à Rasulallah, je suis venu pour aller au djihad et j'ai laissé ma mère en train de pleurer. Dans un autre hadith, j'ai laissé mes parents en train de pleurer. Il a dit, reviens vers parents et fais-les rire comme tu les as fait pleurer. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit d'aller s'ils ne te donnent pas le consentement. Non. Donc, les pseudo-djihadistes, les pseudo-djihadistes qui parlent du djihad du matin au soir, cachés derrière les PC. En train de gonfler les gens et eux, ils ne partent pas. Non, à placer le djihad dans la troisième position. Après la salat et après l'obéissance des parents. Alors que tout le monde sait que les pseudo-djihadistes, ils n'ont pas de salat. S'ils ont la salat, elle est très fausse, pleine de fautes, car ils ne connaissent pas la sunna, ils ne connaissent pas le dîn. Ce sont des ignares. Ensuite, elle n'est pas à l'heure. Elle n'est pas à l'heure. Il est derrière le PC du matin au soir. C'est pour ça que vous remarquez salats des pseudo-djihadistes, par exemple, ne faire un pas. Ça ne marche pas avec eux, ces hadiths. Et que Allah Azzawajal nous préserve des gens qui parlent et qui ne font pas ce qu'ils disent. Que Allah Ta'ala nous préserve des gens qui incitent les gens à faire des choses et qui, eux, ne les font pas. Cela, vraiment, un grand châtiment les attend yawm al-qiyamah. Ensuite, ce qui fait rire, ou se donne des pseudos du djihad. Il te dit, Abu Abdullah le djihadiste, Abu Abdullah le Naam. La même chose, même dans la Aqidah. Ils disent, Y ou la X, le Mouahid, le Mouahid, à l'encontre de quoi? De la Sharia. Car Allah Ta'ala dit dans le Coran, je suis ceci, je suis cela. Non, si tu l'es, alors va là-bas où il y a les ennemis et combat-les. Ce n'est pas une question de dire ou d'avoir un beau pseudo qui dit ceci, cela. Non, le messager de la sallam, il a dit à une femme, comment tu t'appelles? Elle a dit Barra, Barra, celle qui fait le bien. Il a dit non, ou pas, tu n'es pas Barra, tu es Zeynep. Il l'a appelé Zeynep. Pourquoi? Il a dit, c'est Tezguia. Tu t'es donné un pseudo, un nom, un surnom. Pourquoi tu fais le bien? Non. C'est pour ça qu'en islam, hein, tous les surnoms, tous les prénoms qui contiennent la Tezguia, ne sont pas permis. Pas permis. s'appelait normalement Mohamed, Ali, Samira, Aïcha, ils ne s'appellent pas avec des surnoms de tout ce qu'il y a. Ceux qui savent pas, hein? Ceux qui savent pas qu'ils savent dire tout ce qu'il y a, ça veut dire yani, se donner, yani, de. Ah, se donner, yani, se jeter des fleurs, disant soi-même. Non, moi je suis ceci, je suis cela, je suis. Non, tu n'es rien. Non, si tu es quelque chose, il faut laisser dans ton cœur. Allah sait si tu sais, si tu l'es ou tu l'es pas. Allah sait si tu l'es ou tu l'es pas. C'est pas toute personne qui va une éloge, se faire des éloges à soi-même. Allah Ta'ala a dit, ne vous faites pas des éloges. Ne vous faites pas des éloges. Lui, le Créateur, si, c'est lequel d'entre vous mérite les éloges, celui qui ne les mérite pas. Allah, seul lui sait lequel mérite les éloges et lequel ne les mérite pas. Voilà, Inch'Allah, si aux questions-réponses dans un peu de temps, Inch'Allah Ta'ala. Ensuite, je vous annonce la bonne nouvelle que c'est l'avant-dernier cours. C'est-à-dire le prochain cours, Bidna Ta'ala, on aura terminé ce merveilleux, sublime livre qui contient exactement 692 pages. Alhamdoulillah. Donc, prochain. Et je vous annonce aussi la bonne nouvelle, Inch'Allah Ta'ala, que j'ai décidé que, à partir de l'autre samedi, vous savez qu'est-ce qu'on va commencer à faire chaque samedi, Inch'Allah Ta'ala? Une chose très importante, Inch'Allah Ta'ala, qui comprendra quoi? Comprendra l'aqida, le fiqh, le sira, le mirat, tout ce qu'il y a en islam, ça englobera. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire tout simplement, Inch'Allah Ta'ala, tafsir le Coran. On va commencer le tafsir. Le tafsir, et vous savez, dans le Coran, rien ne manque. Il n'y a pas une chose qui n'existe pas, qui existe, qui ne soit pas dans le Coran en islam. Donc, on va commencer l'exégèse du Coran, Inch'Allah Ta'ala, chaque samedi. On va commencer par Inch'Allah Ta'ala, les sourates, les petites que vous connaissez, comme ça. À quoi ça sert que vous apprenez le Coran et que vous ne savez pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc, Inch'Allah Ta'ala, on va commencer. Et si Allah Ta'ala nous donne dans la vie, nous donne, yani, nous rallonge dans la vie, on terminera, peut-être le Coran, on terminera de sourate al-Fatiha jusqu'à sourate al-Baqara. Donc, Inch'Allah Ta'ala, on demandera à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous aide et qu'il nous donne de l'ikhlas, qu'il nous donne la sincérité pour son visage et prépare, Inch'Allah Ta'ala, vos questions. On va se rencontrer, Inch'Allah Ta'ala, dans un quart d'heure, car je n'ai pas encore mangé. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mettez, Inch'Allah, le Coran qui parle en arabe et en français. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le son est clair. Alhamdulillah. Donc c'est la question de Ikhlas, Inch'Allah. Salamu alaikum ya Sheikh. Allah yashafikoum. Dans la sourate 79, les anges qui arrachent les âmes, le Naziat, les versets 6 et 7, dans lesquels Allah dit: Le jour où la terre tremblera au premier son du clairon, immédiatement suivi du deuxième. Si nous sommes morts, quand la fin du monde arrivera, est-ce qu'on entendra ces deux sons du clairon signalant la fin du monde dans notre tombe, cher? Barakallahu fikoum. Question de Soumiya 13. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hayakumullah. Ma question concerne la salat. Si une personne fait salat al-witr juste après Salat al-Isha, en effectuant par exemple une raka'a, puis elle se lève dans la nuit et désire effectuer des prières surérogatoires. Comment doit-elle les effectuer? Pouvez-vous, Yachir, expliquer comment effectuer Salat al-Witr en précisant s'il faut faire le taslim tous les deux raka'at ou bien uniquement en fin de Salat? Barakallahu fikoum. Question de Noumen. Assalamu alaikum, cher, qu'Allah vous préserve. Est-ce que je peux faire le masr, l'essuyage sur les chaussettes lorsqu'il fait froid dans ma salle de bain et que l'eau est froide? Et combien de temps le masr est valable à partir du moment où je l'ai fait? Barakallahu fikoum, qu'Allah vous récompense pour le partage de cette science utile. Salam alaykoum, Afoun. J'ai eu une déconnexion. Est-ce que le son est bon, Inch'Allah? Vous m'entendez bien? Alhamdulillah, tu m'entends bien? Alhamdulillah. Je répète la question, cher. Donc, la question de Junaid, est-ce que de nos jours, nous pouvons affirmer que de certaines personnes qu'elles sont mortes martyrs, où cela est réservé exclusivement au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième question. C'est l'islam salafi. Salam alaykoum, cheikh. La femme, quand elle se purifie de ses menstrues à la fin de la salat al-asr, et au moment où elle sort de la salle de bain, c'est le moment du maghreb. Doit-elle rattraper l'asr juste ou juste faire le maghreb? Barakallahu fikoum wa jazakumullahu khaira. Tfaddal, cheikh. Alaykoum salam wa rahmatullah. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdoulilah. Chauffe, je vais aller dans ma bibliothèque chercher un livre dont je vous ai promis la fois passée, de Cheikh Al-Albani rahmallah, qui parle sur Salat l'huître. Salat l'huître, naam. Et pour vous donner une fois pour toutes, yani, comment se fait Salat l'huître, yani, une fois pour toutes, comme on dit. Donc je vais prendre. Salam alaykoum wa rahmatullah. Avant cela, personne qui m'a demandé, ça fait deux cours là, qui m'avait, si je demande si elle est présente, la personne qui m'a demandé une fois quelle était la différence entre le kofr amali et kofr bil amal. Kofr amali et kofr bil amal. Si la personne est présente, qu'elle me dise, c'est tout. D'ailleurs, maintenant, je réponds, inchallah ta'ala, aux cinq questions qui m'ont été posées. Reste avant cela, musulman, est-ce qu'Inch'Allah ta'ala, tu peux répéter la question de l'essuyage? Est-ce que tu peux répéter la question de l'essuyage? Naam, cher, donc je répète, Inch'Allah, c'était la question de Norman. Est-ce que je peux faire l'essuyage sur les chaussettes lorsqu'il fait froid dans ma salle de bain et que l'eau est froide? Et combien de temps l'essuyage est valable à partir du moment où je l'ai fait? Barakallahu fikoum. Tfadal, cher. Ensuite, le Rouraba, si c'est possible, tu répètes la question des monstres. Salat al-Asr et Salat al-Maghrib. Tfadal. La question, c'est la femme quand elle se purifie de ses menstrues à la fin de Salat al-Asr. Et au moment où elle sort de la salle de bain, c'est le moment du maghreb. C'est le moment de faire la prière du maghreb. Doit-elle rattraper Salat al-Asr ou juste faire le maghreb à ce moment-là? Barakallahu fikoum, cheikh. Je reprends la question, cheikh. J'ai cru que. Alors, la question, c'est la femme, quand elle se purifie de ses menstrues, à la fin de Salat al-Asr. Donc, elle va prendre sa douche et au moment où elle sort de la salle de bain, c'est Salat al-Maghrib. Doit-elle rattraper Salat al-Asr ou alors juste faire Salat al-Maghrib? Barakallahu fikoum. Vous m'avez bien entendu, cher? C'est complet? Atfadal, cher. Donc, bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalam ala ashraf. Avant cela, je rappelle à la personne qui m'a demandé une fois quelle était la différence entre le kofr al-amali et le kofr bil-amal. Je lui demande que pour la sœur Ikhlas qui a parlé des clairons. Naam. D'abord, amin pour tes doigts et que Allah subhanahu wa ta'ala nous guérisse tous et toutes. Naam. Et nous pardonne. Pour l'éclairant, ce que je sais, c'est que, un, je suis sûr que nous allons l'entendre, je dis par rapport à ceux qui sont dans la tombe. L'autre, je ne sais pas. Pourquoi? Si on part du principe que les morts n'entendent pas, à l'extérieur, on aura la preuve. Pour ceux qui sont dans les tombes, non, ça coupe beaucoup. Ce n'est pas de ma faute, Allah. Non. Pour les coupures, ce n'est pas de ma faute. Je disais, donc, pour les deux clairons, le premier qui est hors, yani quand les gens sont dans la tombe, est-ce qu'ils entendent le premier? Je ne sais pas. Parce qu'il se passe yani dans cette vie, c'est la fin du monde. Tombe, bi-idhnillah azza wa jal. Quant à la réponse pour Salat al-Witr, je vais la laisser comme dernière réponse. Quant à l'essuyage, en fait, je n'ai pas bien compris. On n'a pas entendu la réponse. Subhanallah, c'est ajib. Pour le clairon, donc je répète, j'ai dit qu'il y avait deux clairons. Hein, un, pour dire que c'est la fin du monde, tout est terminé. Et le deuxième, pour que les gens ressuscitent. Le deuxième, je suis sûr que ceux qui sont dans la tombe l'entendent. Parce que c'est pour ressusciter, c'est pour sortir de la tombe. Quant au premier, qui est pour avertir que c'est la fin du monde, je ne sais pas. Je ne sais pas si ceux qui sont dans la tombe vont l'entendre ou pas. Surtout si on part du principe que celui qui est dans la tombe, yani, ne sait pas ce qui se passe dehors. Wallah Azza wa Jal, alam. Non. En ce qui concerne Salat al-Witr, je vais laisser ça pour la fin. En ce qui concerne l'essuyage, je n'ai pas compris pourquoi la sœur parle de l'eau froide et pas d'eau froide. Ça, je n'ai pas bien compris. Mais je veux lui dire, toute personne qui veut essuyer sur ses cheveux, au préalable, elle doit au préalable s'être quoi? S'être lavé les pieds pendant les ablutions. Que l'eau soit froide ou chaude. Ça, yani, c'est une condition. Donc, s'il fait froid dans la salle de bain, comme elle a dit, je ne sais pas qu'est-ce que veut dire par là, elle doit faire les ablutions normalement. Là, je ne peux pas la réchauffer. Donc, après avoir lavé ses pieds, fait les ablutions et lavé ses pieds, à partir de ce moment, elle pourra essuyer quand elle va faire la prochaine fois les ablutions. Et combien ça va durer le temps de l'essuyage? Il dure 24 heures. 24 heures. À partir du moment, ce n'est pas où on a mis les chaussettes, mais à partir du moment où on a essuyé pour la première fois. On compte 24 heures à partir du moment où on a essuyé pour la première fois. Si une personne s'est réveillée pour Salat Subh, Fajr, elle a fait les ablutions normales. Ensuite, elle a mis des chaussettes. Et bien sûr, elle a fait par exemple Salat Subh. Ensuite, par exemple, à 10 heures, elle veut faire Salat Doha. Et elle a perdu les ablutions. Qu'est-ce qu'elle va faire ici? Elle va faire les ablutions normales. Quand elle arrive à ses pieds, elle les suit. Elle les suit. Donc, combien de temps aura-t-elle pour essuyer encore? Elle aura jusqu'à demain pendant Salat Doha, jusqu'à demain à 10 heures, à condition bien sûr qu'elle n'enlève pas les chaussettes la nuit, qu'elle dort avec les chaussettes. Non? Et bien sûr, si elle est en voyage, 3 jours et 3 nuits. On parle de celui qui n'est pas en voyage. Il a 24 heures et il commence à compter les 24 heures, pas à partir du moment où il a mis les chaussettes, mais à partir du moment où il a essuyé la première fois. Car il se peut que je mette les chaussettes le matin, 5 h du matin, mais je suis en Salat al-Asr. Et Salat al-Asr, c'est là où je vais essuyer pour la première fois. Non. Quant à la personne qui a dit le fait de mourir martyr, alors qu'on est sûr qu'il est mort martyr, est-ce qu'on a le droit de dire qu'il est mort martyr? Réponse, on n'a pas le droit de nos jours. Il faut que ça soit quelqu'un que le messager d'Allah a cité comme quoi il était martyr. Sinon, on ne dit pas d'une personne qu'elle est martyr. Car il y a un hadith, d'ailleurs vous pouvez lire ça, dans le livre Sahih al-Bukhari. Bukhari, dans Sahih al-Bukhari, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un chapitre. Chapitre, La yuqalu fulanun shahid. Chapitre, ce martyr. Non. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Quand quelqu'un va pour faire la guerre sainte, Naam, pour nous, il est parti pour la guerre sainte. Mais nous, qu'est-ce qui prouve à la dernière minute comment qu'il est mort? À la dernière minute, avant que le sabre ne lui coupe sa tête ou avant que la balle ne l'atteigne. Est-ce qu'on sait, Naam, quelle est la niyya avec laquelle il est mort? Il est mort. On ne sait pas. Ensuite, on ne sait pas pourquoi vraiment il est parti à la guerre sainte. Seul Allah Ta'ala connaît ces choses. C'est pour ça qu'on ne dit pas X est martyr. Non. Taïb. Pour la fausse rue, on prit fin à la fin de Salat al-Asr. Ensuite, elle a pris sa douche. Quand elle a terminé sa douche, c'était Salat al-Maghrib. Est-ce qu'elle prie Salat al-Asr ou pas? Réponse, bien sûr qu'elle doit prier Salat al-Asr. Pourquoi? Parce que si la femme se purifie une seconde avant Salat al-Maghrib, ça veut dire qu'elle s'est purifiée pendant Salat al-Asr. Donc, elle est obligée de faire Salat al-Asr. Mieux que cela, la plupart des savants disent que elle doit faire Salat al-Asr et en même temps Salat al-Dhuhr. Parce que ces deux salats se regroupent. La plupart des savants disent, dans un cas pareil que la sœur vient de citer, elle doit faire Salat al-Asr et aussi Salat al-Dhuhr. Mais certains, comme Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, a dit que si elle faisait seulement Salat al-Asr, non, c'est possible. C'est possible, non, mais ce n'est pas obligé qu'elle ajoute Salat al-Dhuhr. Mais la plupart disent non, elle doit faire les deux. Ensuite, qu'est-ce qu'il reste? Non. Et maintenant pour Salat al-Witr. Maintenant, on va passer, inshallah ta'ala, Salat al-Witr. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oh, naïa. Donc pour Salat al-Witr, une personne qui a fait Salat al-Witr et qui s'est endormie, ensuite veut prier la nuit, comment qu'elle fait? Premièrement, certains savants ont dit qu'elle ne peut pas prier. Certains savants, comme Cheikh Al-Albani, rahimahullah, on dit qu'elle ne peut pas prier. Pourquoi? Elle a clos sa salat. Classe, elle la close en faisant quoi? En faisant salat al-witr. Ij'alou akhira salatikum witran. Le messager a dit, faites de, yani, fermez vos salats avec salat al-witr. Et celle-là, elle a fermé sa salat. Classe. Ça, c'est l'avis de Cheikh Al-Albani. D'autres ont dit, elle peut prier la nuit à condition qu'elle dorme. Si elle a dormi, elle se réveille. Elle peut prier. Deuxième avis. Troisième avis, il dit, elle peut prier à condition quoi? À condition qu'elle fasse une autre raka. Une autre raka. Comme ça, elle a fait déjà un witr. Et maintenant, elle va faire une autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une deuxième. Pour que le premier witr devienne pair. Il devienne plus witr. Et ensuite, elle fait deux, deux, deux. Et bien sûr, cet avis est faible. Cet avis est faible. Donc, la meilleure chose et la plus prudente serait quoi? Serait que si une personne a l'intention de se réveiller la nuit pour faire la salate, le mieux et le plus prudent serait qu'elle ne fasse pas le huître. Elle ne fait pas le huître et elle s'endort en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de l'aider pour qu'elle se réveille. Quant à comment faire le huître, voilà, il y a quelques façons. Il y a quelques sortes de salat al-witr du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Car nous tous, on nous a presque huit, il te dit une rakat, pas comme ça qu'il faisait. Regardez comment il faisait le huit. L'une des sortes, c'est quoi? C'est de prier 13 rakats. 13. Il commence par deux rapides. Non, il commence par deux rapides. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Après les deux rapides. Ensuite, un peu moins long que celle d'avant. Ensuite, deux autres, un peu moins. Ensuite, deux autres, un peu moins. Ensuite, deux autres, un peu moins. Ensuite, deux autres, un peu moins. Ça fait combien? Ça fait 12. Ensuite, il fait une raka'a. Ça fait combien? Ça fait 13. Ça, c'est la première sorte, comme on faisait le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième sorte, comment qu'il fait? Il va faire aussi 13 rak'a, 13. Il va faire 8, 8, entre ces 8, ces 8 d'abord, ces 8, comment qu'il va les faire? Entre chaque deux rakat, il dit salam alaykoum. Donc deux, salam alaykoum, deux, salam, deux, salam, deux, salam, ça fait 8. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il reste combien? Il reste 5 rakat. Ensuite, il va faire 5 rakat. Il ne va s'asseoir que dans la cinquième. Dans la cinquième, il va s'asseoir et il va faire teshahud et il va dire salam alaykoum. Je répète, il fait 8, c'est-à-dire 2 et il fait salam, 2 il fait salam, 2 il fait salam, 2 il fait salam, 4, 2 il fait salam, 2, jusqu'à 8. Ensuite, maintenant qu'il a fait 8, qu'est-ce qu'il fait? Il dit Allahu Akbar et il va faire 5 d'un coup, 5. Et il ne va pas s'asseoir jusqu'à la cinquième. La cinquième, il s'assoit. Il fait teshahud et il dit salam alaykoum, d'après le hadith de Aïcha, bien sûr. Tout ce que je vous dis, yani c'est des hadiths authentiques qui sont là devant moi. Seulement, je n'ai pas le temps de les lire. Hein. Je vais lire le livre de Cheikh Al-Albani, Qiyam Lail. Qiyam Ramadan. Non. Et moi, je lis ici sur le livre de son élève, Hussein Al-Awaisha, tome numéro 2. Non. Moussoual Fiqhiyya Al-Muyassara. Et même le livre de la prière de la nuit. J'avais perdu le micro. Heureusement qu'il est tombé là juste devant moi. Le Roura Basmou m'avait entendu quand j'ai parlé du livre de Cheikh Al-Albani et j'ai dit qu'il se trouvait en français, qu'il y avait la version française, la prière de la nuit. Non, mais vous m'avez entendu. Alhamdoulilah. Donc ensuite, il y a une deuxième sorte. C'est quoi? Muslim, on n'a pas entendu. C'est drôle, là. C'est Ajib. Pourquoi c'est Ajib? Parce que, subhanallah, ceux qui sont sur l'inspeak entendent. Ça, c'est Ajib. Taïb. Ensuite, il y a une deuxième sorte. Comment qu'il fait? Yusalli. Il va le prier le prophète va faire 13 rakat, salat 8, 13 en 13. Il va faire 2, 2, 2, 2, 2 jusqu'à 8. 2 et salam alaikum, 2 et salam, 2 et salam jusqu'à 8. On l'a dit. Maintenant, on parle de la troisième sorte. Il va faire 11 rakat, 11. Entre chaque deux rakat, il dit salam alaykoum. Jusqu'à combien? Jusqu'à 10. 2 et salam, 2 salam, 2 salam. Maintenant, c'est 10. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste une rakat. Il l'a fait directement. Ça fait 11. Là. Des fois, quatrième sorte. Il fait 11 rakat, sallallahu alayhi wa sallam. 11 rakat. Et il va faire 4. Il va faire 4. Là. Sans faire de teslim. Il va faire 4, comme quoi? Comme salat al-dhar. Il s'assoit dans les deux premières, il dit pas salam alaykoum, il se lève. Il ajoute les deux autres, na'am. Ensuite, il dit salam alaykoum. C'est 4. Ensuite, il va s'asseoir au milieu des deux, il fait teshahud et il se lève. Il fait la troisième, quatrième, il dit salam alaykoum. Ça fait 8. Ça fait 8. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Ensuite, il fait 3 d'un seul trait. Ça fait 11. Il dit Allahu Akbar et il fait 3 rakat d'un seul trait. Sans s'asseoir. Une, deux, trois, la troisième. Et des fois, qu'est-ce qu'il faisait aussi? La cinquième sorte. La cinquième sorte. Il fait 11 rakat. D'abord 8. Écoutez bien les 8, comment qu'il va les faire. 8 rakat. Il ne s'assoit que dans la huitième. Naam. Il fait 8 rakat. Quand c'est la huitième, il s'assoit. Sinon, il ne s'assoit ni la première, ni la deuxième, ni la troisième, ni la quatrième, jusqu'à la huitième. Quand il arrive à la huitième, qu'est-ce qu'il fait? Il s'assoit. Il fait le teshahud. Ensuite, il se lève. Il se lève sans dire salam alaykoum. Il fait le teshahud, il se lève. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il ajoute une rakat. En se levant, qu'est-ce qu'il fait? Il va ajouter une rakat. Ça fera combien? Ça fera 9. Ensuite, il va s'asseoir et il va dire salam alaykoum salam, ça fait 9. Qu'est-ce qu'il reste encore? Il reste 2 rak'at pour faire 11. Qu'est-ce qu'il fait? Ensuite, il s'assoit et il fait 2 rak'at assis. 2 rak'at. Assis. Il dit dans la première, je vais revérifier ça. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de ça. Donc j'ai oublié. Mais le mohim, il fait les 2 rak'at assis. C'est-à-dire 8. 8 assis. Ensuite, il fait le teshehud et il se lève. Il fait la 9e et il s'assoit et il dit salam alaykoum. Teshehud et salam alaykoum. Ensuite, en restant assis, il fait 2 rak'at. Non, il fait 2 rak'at assis, sans se lever. Je crois que zilzala, si je n'ai pas oublié, il qul huwallahu ahad dans la deuxième. Mais je vais vérifier, inshallah ta'ala. Non, je vais vous donner la réponse maintenant. Et il y a une autre sorte avec laquelle je termine. Des fois, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait 9 rak'at. Non. 6, il ne s'assoit que pendant la sixième. 6 rak'at d'entrée. Il s'assoit, ensuite il se lève. Il se lève et il ne dit pas salam, il se lève. Ensuite il ajoute une rak'a. Ça fait 7 et il fait salam alaykoum. Ensuite il s'assoit et il fait 2 prières assis. 2 prières assis. Naam. Dans la première, il lit sourate Zilzala. Il dit Zulzilatil ardu zilzala. Comme je vous ai dit, je viens de le vérifier. Et dans la deuxième, il dit. Donc c'est vérifié. Dans la première, si vous faites les deux premières, les deux rak'at assises, vous allez lire avec Idazulzilat dans la première et dans le deuxième, Qul ayyuhal kafirun. Voilà, inshallah ta'ala, six façons comme on faisait le messager de la sallam, la prière du huître, inshallah ta'ala. Tfadhal, à vous, inshallah, le micro. Non, donc c'est la question de Sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. L'Arabie Saoudite a demandé de l'aide aux koufars lors de l'attaque du Koweït. Ils ont demandé l'aide aux koufars contre de l'argent. Et c'est ainsi que les Américains se sont installés en Arabie. Est-ce bien cela, cher? Pourquoi les takfiris croient que l'Arabie Saoudite loge les koufars et pensent qu'ils ont combattu les musulmans? Nous savons aussi qu'il est permis de demander de l'aide aux koufars. Pouvez-vous nous donner des faits où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a demandé de l'aide aux koufars en fonction de cela? Barakallahu fikoum, cher, qu'Allah vous récompense. Je suis très contente du tafsir au Coran que vous allez nous enseigner, inshallah. Allah yjazikoum, cher Hana. Question suivante. Salamu alaykoum wa rahmatullah. Non, donc je répète, Inch'Allah, cher. Pourquoi les takfiris croient que l'Arabie Saoudite loge les koufars et pensent qu'ils ont combattu les musulmans? Nous savons aussi qu'il est permis de demander de l'aide aux koufars. Pouvez-vous nous donner des faits où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a demandé de l'aide aux koufars en fonction de cela? Barakallahu fikoum, cher. Qu'Allah vous récompense. Je suis très content du tafsir au Coran que vous allez nous enseigner, Inch'Allah. Allah yjazikoum ya Cheikhana. Question suivante. Salam alaykoum wa rahmatullah. Barakallahu fikoum ya Cheikhana. Une personne a commencé la salat de l'Aïcha avec l'intention de l'Aïcha. Mais pendant la salat, elle n'a pas changé la niya. Mais elle pensait que c'était salat al-Maghrib. Mais quand l'imam s'est levé pour la quatrième raka'a, là, la personne savait qu'on était dans Salat el-Isha. Est-ce que cette Salat de l'Isha est valide? Barakallahu fikoum. Est-ce que vous avez compris, cher? Ou alors je répète, Inch'Allah. Est-ce que la seconde question est comprise, Inch'Allah? Cher, vous m'entendez, Inch'Allah? Donc, je répète, Inch'Allah. Je vais prendre mon exemple, cher, pour que ce soit plus simple, Inch'Allah. Alors, je vais à la mosquée pour Salat el-Isha avec la niya. Donc moi j'ai la niya que c'est l'Isha. Donc je rentre dans la Salat el-Isha avec la niya que c'est l'Isha. Et pendant l'Isha, donc pendant que je suis en train de faire Salat, j'ai un doute. Et donc je pense qu'en fait là c'est Salat el-Maghrib. Mais quand l'imam se lève à la quatrième raka'a, là je me rends compte donc que c'est bien Salat el-Isha. Est-ce que ma salat est valide? Sachant que je suis rentré dedans avec la niya de l'Aïcha, j'ai eu un doute pendant, mais que lorsque l'imam est arrivé à la quatrième, j'ai eu confirmation qu'on était dans l'Aïcha et non pas dans Salat al-Maghrib. Inch'Allah, c'est compris, cher. Donc, question suivante de Mohamed 91. Alors donc là, cher, la question c'est par rapport au fait de considérer la personne qui fait salat, qui ne fait pas salat, si elle est mécréante ou pas. Salam alaikum. Ma grand-mère me demande de faire le hajj à la place de mon grand-père, rahimahullah, sachant qu'avant de mourir, il avait arrêté de faire la salat. Je voudrais donc savoir s'il est autorisé ou pas. Barakallahu fikoum, wa jazakumullahu khayran. تفضل أخي الغرباء. Salam alaikum. La question de Ibn Mustafa. Salam alaikum wa rahmatullah, Cheikh. Je voudrais un conseil, Inch'Allah. Si on a les moyens d'aller étudier l'arabe, si on a les moyens d'aller étudier l'arabe, mais pas assez pour faire la hijra. Peut-on aller apprendre l'arabe en attendant de revenir et mettre de côté de l'argent pour le hijra? Ou bien continuer à mettre de côté. Barakallahu fikoum. Deuxième question, inshallah, c'est Abu Daoud. Abu Daoud, Cheikh, il vous dit: Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Barakallahu fikoum pour le temps que vous nous accordez. Et barakallahu fikoum pour les admis. Wa fikoum barakallahu. Ma question est, un frère demande s'il est possible qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait créé un shaitan spécialement pour les gaz. Car ce frère, dès qu'il fait l'eau a envie de faire un gaz, alors que lorsqu'il n'a pas l'eau d'eau, il ne doit pas en faire. Est-ce que j'ai compris? Dès qu'il a l'eau d'eau, il a des gaz. Et quand il n'a pas l'eau d'eau, il n'est pas gêné, il n'y a pas de gaz. Dès qu'il doit partir faire la salat à la mosquée, il a envie d'aller aux toilettes, etc. Et ceci est psychologique. Alors, le frère il demande, est-ce que c'est psychologique, Afoun, ou il s'agit d'un shaitan qui a puré sur son ventre ou agiré sur son corps, ou tout simplement des waswas du shaitan. Barakallahu fikoum, cher. La personne demande de qui sera le tafsir de la semaine prochaine que vous allez faire, Inch'Allah. Est-ce que vous m'avez bien compris, Cheikh? Vous avez tout entendu, Cheikh? Ou je répète? Tfadal, Cheikh. Non, vous m'entendez, Inch'Allah ta'ala? En ce qui concerne la première question, celle qui parle du fait de se faire aider par les koufars. Non. Donc je dis, Inch'Allah Tarek, c'est très clair que il y a unanimité. Non. Comme on citait certains savants, Ijma, unanimité qu'il était permis de se faire aider par un kafir. Certains savants comme l'Isb ibn Abd Salam et d'autres ont dit même si on doit lui donner de l'argent, même si on doit donner au kafir de l'argent ou de l'or ou je ne sais pas quoi pour qu'il m'aide. Si je suis vraiment, vraiment dans la faiblesse. Bien sûr, tout cela à condition qu'il m'aide pas contre l'islam. sinon je rentre dans le coffre. Non, ils ne m'aident pas à combattre l'islam. Mais ils m'aident à quoi? À pousser un mal. J'ai le mal d'un ennemi, et l'ennemi qui soit kafir ou musulman. J'ai un ennemi kafir qui veut m'attaquer, je fais appel à un kafir. Je lui donne de l'argent, je lui dis aide-moi, celui-là il veut me tuer. Ou bien il y a un musulman qui veut me tuer. La même chose. C'est ce qu'a fait l'Arabie Saoudite. On demande de l'aide aux États-Unis contre qui? Contre Saddam Hussein, contre un musulman. Pas à cause de son islam, mais à cause de sa perversité. Parce qu'il est venu pour me prendre ma terre, mes biens, mes enfants, mes filles, mes kda, l'âme. Donc, il n'y a aucun arabe qui va m'aider. Et qui l'Irak, comme vous savez, c'est une des grandes puissances, yani, si ce n'est pas la plus grande puissance arabe. Donc, il faut bien faire la différence entre et ne pas tomber dans le piège des takfirs qui disent que l'Arabie saoudite a fait appel aux Américains contre l'islam. C'est pas contre l'islam, abadan. C'est contre la tyrannie, la perversité de cette personne qui est Saddam Hussein. Hein, qu'il soit maintenant musulman ou pas, je m'en fous. Moi, je ne laisse pas le musulman me tuer. Sahih, vous le connaissez. Il a dit, Ya Rasulallah, si tu le tues, il est en enfer, si tu le tues, tu es shahid. Ça, en parlant des musulmans, bien sûr. Maintenant, sans vous dire que, au moins cinq grands savants, cinq, entre autres Al-Albani, Ibn Baz et Cheikh Ibn Uthaymin, si je me trompe pas. Mais Cheikh Ibn Baz et Cheikh Al-Albani, sûr, entre autres, cinq savants ont dit que Saddam Hussein était un kafir. Cinq grands savants à l'époque ont dit que Saddam Hussein c'est un kafir. Donc, si déjà on prend ça, c'est quoi? C'est donc je fais appel à des kofars contre les kofars. C'est-à-dire, si on prend cet avis, mais malich, nous on prend de l'avis qui dit il est musulman, c'est permis. Non. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, s'est aidé d'un kafir, Ibn Ouraiqat. Il l'a aidé en quoi? Il l'a aidé à ce qu'il fasse quoi? À ce qu'il sorte, lorsqu'il est sorti en cachette avec Abu Bakr Siddiq, il est sorti de la Mecque pour aller vers Médine. Ça va, on dit, regardez. Donc, j'attends jusqu'à ce que vous m'entendiez bien, inshallah ta'ala. Donc, les savants ont dit que le messager d'Allah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait appel à un kafir. En ce qui concerne quoi? En ce qui concerne comment combattre les kofars. Car sortir de la Mecque pour regagner Médine, c'est un combat contre les kofars. Les kofars veulent tuer le messager d'Allah. Et il va en cachette, il veut regagner Médine, et se fait débarquer par un kafir qui s'appelle Abdullah ibn Ouraiqat. Mieux que cela, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pendant la bataille de Badr et aussi pendant la bataille de Hunayn, deux batailles très connues, qu'a-t-il fait, sallallahu alayhi wa sallam? Il a demandé, a prêté son bouclier. Il a demandé qu'on lui prête son bouclier. De qui les a-t-il demandé? D'un kafir qui s'appelle Sofwan ibn Umayya. Sofwan ibn Umayya, son bouclier. Prête-moi son bouclier. Et, subhanallah al-azim, il les a pris, sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, aussi, a envoyé un kafir à Khouza'a. Il l'a envoyé pour lui rappeler, pour lui, ce hadith se trouve dans le Bukhari, pour lui ramener yani, l'akhbar, les informations de ce que sont en train de faire les kofars. Le message de là de ce qu'étaient en train de faire ces ennemis. Il leur a donné ce qu'ils disent qu'il n'est pas permis de faire quoi? De faire un pacte, ou de faire ce qu'on appelle non, de faire le traité, un traité avec les kofars. ou bien de faire une trêve. Non, il y a des takfiristes, il te dit, le kafir, c'est pas permis de faire une trêve avec lui. Tu dois le combattre, sauf un pistolet en plastique. Il te dit, tu dois sortir et lui faire la guerre. Masakin ni masakin, masakin ni masakin. Non. Tayyib. Voilà, inshallah ta'ala, pour cette question. Non, pour la personne qui a dit, je suis allé à Salat al-Isha. Si tu es allé à Salat al-Isha et tu es rentré avec l'imam dans la niyat de Salat al-Isha, ensuite tu as eu des doutes par rapport à cette salat qui est en train de faire l'imam. Est-ce que c'est celle du Maghrib, celle de Isha? Suite. Non, car tu as douté sur sa salat à lui, pas la tienne. Tu t'es dit, est-ce que sa salat, celle-là, c'est celle du Maghrib? C'est tout. Mais toi, tant que tu as fait salat l'Isha, ta salat est valide. Inch'Allah ta'ala. Et maintenant, ma mère ou ma grand-mère me demande de faire le hajj pour lui. Est-ce que je peux le faire ou pas? Non. Premièrement, ce qu'il faut savoir, ce qui est très important, comme disent les savants, il le dit aussi, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, pour qu'on puisse faire le hajj sur une personne qui est morte, l'une des conditions, c'est quoi? Vous savez, bien sûr, l'une des conditions, c'est que nous, d'abord, on ait fait ce hajj. D'abord. Ensuite, la deuxième condition, c'est que cette personne avait l'intention d'aller au hajj. Donc, moi, je pose la question à cette personne. Est-ce que t'as? On va prendre l'avis qui dit que celui qui ne fait pas la salat, il n'est pas kafir, parce qu'il la faisait, la délaissée. Et on va dire, va faire le hajj à sa place, si toi tu as fait ton hajj. Mais si la personne qui est morte ne parlait jamais du hajj et n'était pas intéressée du hajj, ou bien au contraire, si on lui parlait du hajj, elle dit non, moi qu'est-ce que je vais faire au hajj? Il n'est pas permis d'aller faire le hajj pour lui, et si on le fait pour lui, ça ne le compte pas. Il devient pour la personne qui a fait le hajj. Naam. L'autre question, inshallah. Naam, pour l'arabe. Pour l'arabe, je dis que faire la hijra est beaucoup plus important que faire l'arabe. Faire la hijra est beaucoup plus important que faire l'arabe. Pourquoi? Apprendre l'arabe viendra à que tu peux apprendre l'arabe et rester, apprendre l'arabe et ne jamais faire la hijra. Faire la hijra, c'est une chose, laisser cet argent pour, inshallah ta'ala, la hijra. Ensuite, quand tu seras dans un pays musulman, tu seras obligé d'apprendre l'arabe et de le parler même. والله تعالى اعلم تفضل قول الشيطان دي غاز نعم je n'ai jamais lu qu'il y avait un shaitan spécialement pour les gaz, mais je sais qu'il y a par exemple un shaitan, ce shaitan, dès que tu commences la prière, il est là avec toi, il commence à te faire rappeler des choses que dont tu t'es jamais rappelé. Vous l'avez remarqué, dès que tu dis Allahu Akbar, Shaitan il est avec toi, il commence à te rappeler des choses. Non. Mais sûrement qu'il va faire la même chose pour le wodo, pour les gaz, pour. Non. D'ailleurs, vous savez que même les monstres, les métrorragies. Les métrorragies, ça vient de quoi? Ça vient du Shaitan. Shaitan qui frappe avec son pied, non, un nerf ou une veine. Une veine chez la femme, dans ses parties intimes, et voilà ce que ça donne. On s'en ventre et voilà ce que ça donne. Mouhim, maintenant qu'il y a un shaitan spécial pour les gaz ou qu'il n'y en ait pas, l'essentiel c'est quoi? L'essentiel c'est que si tu as une incontinence des gaz, c'est ça le plus important, si tu as une incontinence des gaz, tu dois attendre à la dernière minute. Quand c'est presque le moment, ou là c'est le moment de faire la salat, tu ne dois pas faire la salat. Allah Ta'ala, c'est le tout mis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, je vais lire la question suivante, Inch'Allah. Question de Tawahid 44. Assalamu alaikum, cher. Je me demandais si le fait que mon dos ne soit pas parfaitement droit pendant le recours invalide ce dernier. Donc, invaliderait la la raka'a ou la prière. Est-ce exact? Jazakumullah khayran, cher. Question de Shahina 2. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai eu un doute durant une salate. Je ne me souvenais plus si j'étais au premier ou au deuxième sujoud. Donc j'ai fait comme si c'était le premier sujoud. Vous n'avez pas entendu quelle question, cher? La première? Ou là, le début de la deuxième? Khair, Inch'Allah. Donc je vais répéter la première. Question de Tawhid 44. Nous aussi, cher, quand vous donnez les réponses, ça coupe dans toutes les réponses que vous donnez. Parfois, on comprend juste la moitié. Donc, question de Tawhid 44. Salamu alaykoum, cher. Je me demandais si le fait que mon dos ne soit pas parfaitement droit pendant le recours invalide ce dernier. Donc, invaliderait la raka'a ou la prière. Est-ce exact? Jazakumullah khairan. En même temps, cher, je vais poser les questions sur la room. Comme ça, si vous n'avez pas compris, au moins vous pouvez relire, Inch'Allah. Question de Shahina 2. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai eu un doute durant une salate. Je ne me souvenais plus si j'en étais au premier ou au second sujoud. Donc j'ai fait comme si c'était le premier sujoud. Et j'avais l'intention de faire la prosternation de la distraction avant le salut final. Mais j'ai oublié de le faire. Est-ce que j'aurais dû faire la prosternation de la distraction après le salut final ou bien refaire entièrement cette salate? Qu'Allah vous récompense et prolonge votre vie dans son obéissance. Donc, question de Mohamed 64. Salam alaikum wa rahmatullah, cher. Lors du Jumu'ah, si on arrive en retard et donc que la khutbah a commencé et que l'on remarque qu'il y a une place devant, peut-on passer devant les personnes pour aller boucher la place? Barakallahu fikum. Tfadala khayal ghuraba. Salam alaikum. Donc on passe à la question de Abou Bakr 38. Juste avant, Cheikh, le frère Abou Daoud avait demandé quel tafsir vous allez faire, Inch'Allah. Si c'est le tafsir de Ibn Kathir ou un autre. Barakallahu fikoum. Donc la question d'Abou Bakr 38. Salam alaikum ya Cheikh. Pouvons-nous donner par exemple 10 euros par mois à une association qui s'occupe en ayant l'intention de payer la zakat elle-même, ce qui fait dans notre exemple 110 euros environ l'année. Ainsi, à la fin de l'année hégirienne, nous payons le reste de la zakat. Est-ce permis? La question n'est pas tout à fait claire. Je vais la répéter. Pouvons-nous donner, par exemple, 10 euros par mois à une association qui s'occupe de payer la zakat elle-même? Ce qui nous fait, dans notre exemple, 110 euros environ l'année. Ainsi, à la fin de l'année hégirienne, nous paierons le reste de la zakat. Je pense, ce que j'ai compris, cher, c'est s'il y a une somme d'argent à payer, il la sort pas tout de suite, mais de cet argent-là, c'est 10 euros par mois jusqu'à atteindre l'année. Ça fera 110 euros. La deuxième question, c'est donc Talib El Ilm 1. Salam alaikum, Shir. Lorsque ma petite fille de 17 mois passe devant moi pendant la prière, cela coupe-t-il la prière? Jazakumullah khair. Est-ce que vous m'avez bien entendu, Shir? Parce que c'est à vous, Shir, Inch'Allah. Tfadal, Shir. Walaykoum salam, rahmatullah. Donc, je vous excuse et vous m'excusez pour le mauvais son. Ça coupe beaucoup le paltolka. Donc, je crois que ce n'est ni de moi ni de vous. Taïb. Est-ce que vous m'entendez, Inch'Allah? Pour le tafsir, Inch'Allah ta'ala, que je vais commencer, pas ce samedi, l'autre, bi'idhnillah azzawajal, les principaux livres sur lesquels je vais me baser, c'est Tafsir Ibn al-Qayyim et Tafsir Shanqiti. C'est Shanqiti, non. Et Tafsir Tabari, non. Tafsir Sa'di et Tafsir Ar-Razi. Razi de Allah Ta'ala en gros, les tafsirs sur lesquels je vais me baser, bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala. Les 6 ou 7 dont je suis en train de vous parler, inshallah ta'ala. Ensuite, pour le dos, pour la personne qui fait la salat et son dos n'est pas très bien tendu. Je vous ai dit que la sunna c'est quoi? La sunna c'est que quand tu tends, quand tu t'inclines, ton dos doit être tendu de façon à, si jamais on posait un verre d'eau sur ton dos, plein d'eau, l'eau ne coulerait pas du verre. Ce sont des choses sur lesquelles on doit s'entraîner. Comme les gens s'entraînent au sport, au judo, au karaté, à la danse, on doit s'entraîner aussi à la salate. Tu peux bien descendre ton dos et regarder, yani t'incliner devant un miroir. Et tu regardes. De profil comme ça, tu regardes, est-ce que ton dos est vrai? Tu lui dis, va ramener un verre d'eau et remplis-le bien et mets-le sur mon dos pour voir est-ce que yani, je suis vraiment, yani, 80, je forme un angle de 90 degrés ou pas. Ensuite, je dis, pour que vraiment 90 degrés, il faudrait que tu yani, courbes, tu fasses rentrer ton dos. Tu fais rentrer ton dos et tu fais sortir ta poitrine en étant incliné. En étant incliné, tu fais rentrer tes épaules, les deux épaules, tu les fais rentrer vers l'arrière, tu fais sortir ta poitrine, et tu regardes, tu ne regardes pas entre tes jambes, mais tu regardes au loin, là-bas, où tu vas faire le sujoud. Et ton cou, ta nuque, doit être bien dressée vers l'avant. Tu dresses ta nuque vers l'avant pour regarder à l'avant. Car il y a certaines personnes qui rentrent, font rentrer leur tête presque entre leurs genoux. Il fait une courbe, une vraie courbe. Non, il veut. Pourquoi il veut faire du bien? Il croit que plus tu descends, plus c'est un délit que j'obéis à Allah, c'est un délit que je suis sincère, c'est un délit que je fais des efforts. Alors il veut descendre au maximum. S'il peut, avec son front, il veut toucher le sol. Il veut dire, je veux prouver que... Mais tout cela, ce n'est pas vrai. Khairul Hadi, Hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ma meilleure guidance, c'est celle du messager alayhi wa sallam. Et enfin, je dis à cette personne, quand tu essayes de bien être droit et tu n'arrives pas, non, Allah Ta'ala yani, ne va pas te faire yani, quelque chose pour cette salate. Parce que tu as essayé, c'est tout ce que tu peux. Mais la personne qui n'essaye pas et qui, par conséquent, son dos ne va pas être très droit, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, dans ta salat, il y a du manque. C'est-à-dire, au lieu que tu prennes 100 points, par exemple, tu vas prendre seulement 80 ou 70. 70 points pour l'inclination, normalement, Zama, on donne 100. Toi, on va te donner 70. C'est tout. C'est toi le perdant. Mais pour dire que la salat est invalide, non. Pas à ce point. Naam, had inshallah pour le dos. Pour sujoud sahw, pour la personne qui, à un certain moment, a douté. Elle a dit, est-ce que j'ai fait un sujoud, est-ce que j'ai fait deux, est-ce que j'ai fait un, est-ce que j'ai fait deux. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, alors j'ai choisi que comme quoi, c'est comme si j'avais fait un sujoud. Ensuite, j'ai oublié où il fallait la mettre. Réponse. Dans un cas pareil, comment je dois faire? Je suis dans la salate, je viens de me prosterner. Ensuite, dans la prosternation, je suis en train de me parler à moi-même. Je me dis, est-ce que c'est la première prosternation? Ou bien c'est la deuxième. C'est la première, c'est la deuxième. Je ne sais pas. Chaque raka'a a deux prosternations. Ça, je dis, première, deuxième. Comment je vais faire? Là, il n'y a que l'un de deux cas. Il n'y a pas un troisième cas. Ou bien, tu ne sais pas si c'est la première ou si c'est la deuxième à 50%. C'est-à-dire, À 50%, je peux dire c'est la première, et à 50%, je peux dire c'est la deuxième. Je ne sais pas. Vraiment, vraiment, vraiment, c'est égal chez moi. C'est à pied d'égalité entre est-ce que c'est la première ou est-ce que c'est la deuxième. Ça, c'est le premier cas. Et je vais dire comment qu'on va faire. Ou bien, deuxième cas, ou bien l'une, hein, l'une sûre que c'est la première, ou là, je suis à 90% sûr que c'est la deuxième. Il n'y a que ces deux cas. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je répète les deux cas. Il n'y a pas un troisième cas. Le premier cas, tu ne sais pas du tout. Est-ce que c'est la première, c'est la deuxième? Je ne sais pas. Allahu alam. 50-50%, je ne sais pas. C'est un premier. Deuxième cas, tu as plus de 50%, c'est-à-dire 60, 70, 80, 90% que c'est, ou bien, par exemple, une soujoud, j'ai fait une soujoud, un soujoud, là j'ai fait deux. Non, mais je doute, c'est tout. Mais là, j'ai dépassé 50%. Dans le premier cas, je dis à la sœur, dans le premier cas, si tu ne savais pas à 50% si c'est la première, le premier soujoud, ou bien la deuxième, qu'est-ce que tu fais? Tu fais, c'est comme si c'était un premier soujoud. Toujours comme ça. Je me dis à 50%, c'est le premier recours. Non, ce n'est pas le recours. Par exemple, c'est le premier soujoud, c'est le deuxième, c'est le premier, c'est le deuxième. Ou là, est-ce que je suis dans la deuxième raka'a, je suis dans la troisième, je suis dans la deuxième, je suis dans la troisième, je ne sais pas. Si c'est 50-50%, qu'est-ce que je fais? Je fais comme quoi, c'est yani, le moindre. Le moindre. Ici, le moindre, c'est quoi? C'est de dire c'est un soujoud. Donc, j'ajoute un deuxième soujoud. Et qu'est-ce que je fais? J'ajoute un deuxième soujoud. Et avant de faire le teslim, je fais la prosternation de distraction. Avant le teslim. Ensuite, je dis salam alaikum, salam alaikum. Ça, c'est dans le cas où quoi? Dans le cas où mon doute est à 50%. C'est toujours comme ça. Quand mon doute est à 50% et je doute, est-ce que c'est la quatrième raka ou c'est la troisième par exemple, je prends toujours que c'est la troisième raka, je prends toujours le minimum. Je dis donc, je me base sur le minimum et je continue. Et ensuite, je fais des soujouds de prosternation, de distraction à l'intérieur de la salat. Ensuite, je dis salam alaykoum. Si c'est le deuxième cas, c'est deux, qu'est-ce que je fais? Hein? Je me base sur le doute que j'ai. Par exemple, ici, c'est 70% que c'est seulement un soujoud. Je dis comme ça, je dis, je ne suis pas sûr, mais 60-70%, j'ai fait un seul soujoud. Dans ce cas, je vais ajouter un deuxième soujoud et je me prosterne après. Je ne me prosterne pas dans la salat. Mais quand je termine ma salat, je dis salam alaikum, j'ai terminé ma salat, je me prosterne encore une fois. Deux, et je redis salam alaikum. Ça, c'est donc dans le cas où quoi? Dans le cas où je me dis 70%, hein, c'est plus. J'avais un doute total. Je suis sorti de la salat en oubliant de faire la prosternation. Non, maintenant tu es sorti de la salat en oubliant de faire la prosternation. Là, c'est trop tard. Tu ne fais ni la prosternation, ni tu recommences la salat. Maintenant, c'est trop tard, c'est passé. C'est pour la prochaine fois, Inch'Allah Ta'ala. Mais je voudrais bien réinsister sur cette chose. C'est tellement important. Donc, je résume très vite. Certains vont dire, il va nous prendre du temps, il a beaucoup parlé. Naam, je parle beaucoup, je ne m'arrête pas de parler quand c'est la salat. Tellement c'est important. Naam. Je répète très vite, je dis. Qu'est-ce que je dis? Quand je doute d'une chose, ou bien c'est à 50%, ou bien c'est plus. Si c'est 50-50, c'est-à-dire j'ai un doute total, je ne sais pas ce qui s'est passé. 55. Dans ce cas, je me base sur le moindre. Je me base sur le moindre. Non. Si c'est par exemple, est-ce que c'est la troisième ou c'est la deuxième raka? Si c'est la troisième, c'est la deuxième. Qu'est-ce que je fais? Je dis c'est la deuxième. Je me base sur le plus petit. J'ajoute ce qui manque et je fais quoi? Et je fais prosternation à l'intérieur de la salat. Prosternation de distraction. Si maintenant mon doute a dépassé 50%, je me base sur la chose dont sur laquelle j'ai douté. Par exemple, dans le cas de la sœur ici, elle a fait une prosternation. Ensuite, elle doute. Est-ce que j'ai fait la deuxième? J'ai pas fait. J'ai fait la deuxième? J'ai pas fait. Ensuite, elle dit 70%. 70%, j'ai fait la deuxième. Non, elle dit pas, c'est un exemple. Hein. Elle dit, je suis à 70%, je suis sûr d'avoir fait la deuxième. Mais j'ai toujours des doutes. Qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, puisque tu as dépassé 50%, tu dis à peu près 70%, Alors, dans ce cas, qu'est-ce que tu fais? Dans ce cas, tu n'ajoutes rien. Parce que on se base sur le doute. Le doute ici de 70%, c'était la deuxième. Donc, j'ajoute rien. Mais qu'est-ce que je fais? Mais je vais faire des prosternations à l'extérieur de la salade, pas à l'intérieur. Donc, si on oublie de faire une prosternation de discrétion, ce n'est pas la peine de refaire la salade. Non, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Mais si on l'avait oublié, on se rappelle juste 5 minutes après, Cheikh Ibn Outaymine dit jusqu'à 10 minutes à peu près, on va recorriger la salade, mais pas la refaire. Quant à celui qui va à Salat al-Jumu'ah, et il trouve un vide là-bas, est-ce qu'il peut traverser pour boucher la place? On lui dit, yani, quand tu rentres, comme a dit le hadith, yani, tu restes là où tu as trouvé ta place, tu t'assois. Tu n'as pas le droit d'aller, yani, sur, yani, peut-être même devant cette place. Le rang qui se trouve devant cette place, c'est lui qui doit avancer. Ensuite, celui qui est derrière avance encore. Et comme ça, jusqu'à ce que chacun prenne sa place. Mais on ne va pas comme ça de la fin vers, yani, traverser tous les rangs pour aller au début. Déjà, ça gêne. Pourquoi? Ça gêne parce que déjà, les gens vont tous s'arrêter d'écouter la salat, la khutba, et de regarder ce qui se passe. Non. Pour la zakat, à cette association. Pourquoi? Parce que si on donne la zakat à une association, il faut qu'on soit sûr que celle qui va acheter le riz, etc., ou là, bon, à des zakat faites. Si c'est zakat d'argent, il faut que je sois sûr que cette association va la donner à qui? Aux nécessiteux, aux pauvres. Mais je ne peux pas lui donner par étape. Aujourd'hui, je lui donne 10, le mois prochain 10, l'autre 10, je ne peux pas. La zakat se donne en une fois. Ou bien tu donnes une fois, ou bien tu ne donnes pas. Il n'y a pas, tu donnes par étape. Naam. Tfadl, à vous le micro, inshallah. Mais elle, toi, attendez. Et naam, pour l'enfant, le bébé de 17 mois, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il la préserve et qu'il fasse d'elle une pieuse qui apprendra le Coran. Celle-là, je lui dis que, je dis à sa mère que tu ne dois pas la laisser passer entre toi et la soutra. Entre toi, car le messager d'Allah n'a pas laissé passer un mouton. N'a pas laissé passer un mouton, un pauvre mouton qui ne sait rien, qui du matin au soir il dit ba, ba, ba, et on va l'égorger pendant Allah pour le manger, et je mange la tête. Et celui-là, on ne peut pas le laisser passer. Donc je dis à cette sœur, elle ne doit pas laisser passer l'enfant. Si jamais l'enfant est passé, c'est trop tard. Si l'enfant est passé, c'est trop tard, mais pour la prochaine salade, on ne laisse pas passer, on le met sur notre dos. Hein, on le met sur notre dos, comme faisait le messager d'Allah avec Hassan al-Hussein. Il est monté sur leur dos. Allez, salam. Naam, tfadl. Donc, question de Mohamed. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que le cheikh pourrait nous rappeler si les rawatib de Salat al-Fajr et Salat al-Maghrib se font à voix haute ou à voix basse? Jazakumullah khairan. Question de BBA 34. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La question concerne le jour du jugement dernier. Quel est le délai de jugement entre la première personne et la dernière personne jugée par Allah Azzawajal, parenthèse, les musulmans et les mécréants. J'ai lu qu'Allah mettra 500 ans à juger toutes ces créatures, parenthèse, j'ai lu cela sans dalil. Est-ce exact? Et combien de temps durera l'interrogatoire du jugement pour chaque personne? J'évoque Allah Azzawajal pour qu'il, Azzawajal, exauce toutes vos doigts. Question de Bismillah 25. Salamu alaikum wa rahmatullah, cher. Concernant l'alliance et le désaveu en islam, fait-il partie de la fitra d'aimer nos proches, même s'ils sont mécréants? Dans ce cas, comment faire la part des choses entre le désaveu en islam et l'amour qu'on porte à nos parents, nos frères et sœurs, nos oncles, etc. De plus, est-ce que l'obligation du lien de parenté s'applique seulement pour les parents ou se généralise-t-il pour l'ensemble des membres de la famille? Barakallahu fikoum. Tfadal akhir ghuraba. On passe donc à la question de Ourt 19. Alors, peut-on regrouper les salats d'or et asr quand on travaille et qu'on ne peut pas faire autrement au moment du d'or, c'est-à-dire faire d'or et l'asr en même temps au moment de prier d'or? Il faut attendre salat l'asr. Il faut attendre que salat l'asr en rentre pour accomplir les deux prières. Et je répète parce que peut-on regrouper les salats d'or et l'asr quand on travaille et qu'on a Yanni, qu'on ne peut pas faire autrement au moment du dhor, c'est-à-dire faire dhor et l'asr au moment du dhor, ou alors faut-il attendre salat al-asr pour accomplir les deux prières, les regrouper? Allahu ta'ala. Donc ça c'est la première question. La deuxième, Sara. Alors la question, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, Cheikh, qu'Allah vous bénisse pour le temps que vous nous consacrez et vous accorde le bien dans cette vie et dans l'au-delà. Amin. Ma question concerne le fait de faire un vœu au Seigneur. J'ai eu, suite à un voyage au Maroc, beaucoup de difficultés dans le sommeil et j'étais perturbé par un mal chaque nuit. J'ai donc demandé à Allah de m'aider à guérir et qu'en contrepartie, chaque nuit où je n'avais pas ce mal, je ferai un nombre précis de prières surrogatoires par jour. Ce que je fais maintenant depuis quelques mois. Mais aujourd'hui, je me demande si, en quelque sorte, j'ai le droit de rompre cette promesse, alors que j'ai bien dit avec la bouche pour me consacrer aux 12 prières surrogatoires. Car avec celles que j'ai déjà faites, je n'ai plus assez de temps pour les 12 prières qui sont apparemment très recommandées. Barakallahu fikoum. Vous m'avez compris, Shir? Est-ce que vous avez compris la question? Sinon, je répète. Faddal, Shir. La sœur ou la personne qui a fait le vœu de faire 12 rakat, elle a dit surérogatoire. Elle parle de 12 rakat la nuit, elle va les faire la nuit ou là la journée? Parce que les 12 rawatib se font la journée, pas la nuit. Par jour. C'est-à-dire, à part les 12, où là elle va faire les 12, elle avait fait le vœu qu'elle yani ferait tout le temps les 12 que yani, si quelqu'un les fait, on y construira une maison, d'accord. D'ailleurs. On commence Allah Ta'ala par la personne qui a parlé de la ratiba de Salat al-Fajr et de la ratiba de Salat al-Maghrib. Elle a dit, est-ce que c'est à haute voix ou à voix basse? Est-ce que vous m'entendez d'abord? Confirmez-moi que vous m'entendez. Alhamdoulilah. Non, pour Salat al-Fajr, la sunna, c'est de la faire à voix basse. La sunna, Salat al-Fajr, je la fais à voix basse. Dans la première, je lis le Fatiha, ensuite je lis Qul ya ayyuhal kafirun. Dans la deuxième, je lis le Fatiha et je lis Qul huwallahu ahad. À voix basse. Quant à la ratiba de Salat al-Maghrib, la sunna, c'est de la faire à voix. Je me fais entendre. Mais bien sûr, c'est toujours sunna, ce n'est pas obligatoire. C'est-à-dire, si je veux la faire à voix basse, je peux la faire à voix basse. C'est pour la première question, Inch'Allah Ta'ala. Pour la personne qui a parlé du hadith, comme quoi il y avait 500 ans entre la première personne que Allah Ta'ala jugerait au Qiyamah et la dernière. Je dis que ceci yani, n'est pas vrai. Car le jour du jugement dernier, c'est combien? C'est 50 000 années. 50 000 ans, comme si c'était dans le Coran. Comment se fait-il que 50 000 nouvelles, laissez-moi vous annoncer la bonne nouvelle, qu'il y a un hadith authentique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit que pour le croyant, période, qu'il va passer pendant le hisab, le jugement, sera comme la période qui existe entre Salat al-Dhuhr et Salat al-Asr. C'est un hadith authentique. c'est un hadith authentique, c'est une rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez, des 50 000 ans, il y a un seul jour. C'est un seul jour, c'est 50 000 ans. Comme 50 000 ans de nos années. Ce jour-là, Allah Ta'ala va faire de sorte que la période, le temps que tu vas passer pendant le jugement, sera seulement comme le temps qui passe entre combien? Entre Salat al-Dhuhr et l'Asr. Combien qu'il y a en Salat al-Dhuhr et l'Asr? Peut-être 3 heures, peut-être des fois même 2 heures. Non. Vous m'entendez maintenant? Est-ce que vous m'entendez? Non. Pour la personne qui a dit comment, d'un côté, en islam, il doit y avoir l'aveu et le désaveu, l'alliance et le désaveu. C'est-à-dire on doit se désavouer des mécréants. Et comment d'autre part, si on a des parents qui sont des mécréants? Hein? Il y a beaucoup de femmes, de parents mécréants, et la femme elle-même, par exemple, elle est rentrée en islam. Ou bien le frère lui-même, il est rentré en islam. Alors que ses parents sont des bouddhistes, des athées, des juifs, des chrétiens, et lui, il est devenu musulman. On doit faire la différence, et la grande différence, entre quoi? Entre l'amour naturel et l'amour religieux. L'amour naturel et l'amour religieux. Je n'aime pas mes parents, qui sont mécréants, je ne les aime pas religieusement. Mais je les aime naturellement. Je les aime d'un amour naturel. Par cause que je sois venu à ce monde, c'est de par leur cause, ça. Et ils m'ont élevé, ils m'ont donné des choses, etc. Donc, je ne dois pas oublier tout ce qu'ils m'ont fait, combien. Mais ça reste au niveau de l'amour naturel. Quant à l'amour religieux, je ne leur donne pas, il y en a une part de mon amour religieux. Ça, c'est entre moi et Allah Ta'ala et mon din. Naam. C'est pour ça que la sœur de Aïcha, l'épouse du prophète, qui s'appelle Esma, la fille de Abu Bakr, quand elle est rentrée en islam, il y a une polythéiste. Et une fois, elle a dit au messager d'Allah, elle lui a dit, au messager d'Allah, il y a ma mère qui est venue me voir et elle veut que je maintienne les liens avec lui, elle veut que je l'aide matériellement, etc. Comment je fais? Il a dit, c'est les ummak. Le hadith se trouve dans Bukhari. C'est un hadith authentique. C'est les ummak, yani, prends soin d'elle et yani, donne-lui ce qu'elle veut et yani, et un bon comportement avec elle. Donc, Inch'Allah Ta'ala, j'annonce la nouvelle à toutes et tous ceux qui sont rentrés en islam, des reconvertis, que normalement, il ne doit y avoir aucun problème entre vous et vos parents. Vraiment aucun. Non, à condition qu'ils me laissent yani, mon choix dans la religion. Ils me laissent mon choix dans la religion, et à condition qu'ils ne me poussent pas à désobéir à mon Seigneur. J'apprends à mon père gentiment qu'en islam, il est interdit, par exemple, de boire de l'alcool. Et puisqu'il est interdit de le boire, il est interdit d'en acheter. Donc mon père, je te demande gentiment de ne pas me demander de t'acheter de l'alcool, par exemple. Non. Si tu me demandes d'aller d'acheter du pain, je vais aller à genoux. Tu me demandes d'aller acheter du fromage, je vais aller à genoux. Mais si tu me demandes d'aller, même si c'est loin, mais si tu me demandes d'aller acheter du vin, je ne peux pas, mon père, même si c'est à 1 mètre de moi. C'est pas parce que je veux pas t'obéir, mais voilà ce que dit la religion. Et comme ça, gentiment, il comprendra par la suite que je ne veux pas lui désobéir parce que je veux lui désobéir. C'est parce que c'est seulement, ça se contredit avec ma religion, c'est tout. Mais par contre, je lui montre combien je l'aime, combien je lui achète ce qu'il veut, je lui rends visite, je fais des conversations avec lui, je sors avec lui. Et comme ça, pour lui montrer que c'est mon père et que je tiens beaucoup à lui. Mieux encore, je lui fais même des doigts. Je lui fais des doigts. J'invoque Allah Ta'ala en sa faveur pour qu'il le guide comme il m'a guidé. Non, les liens, le maintien de liens de parenté, et ça s'applique aussi avec les autres membres de la famille, tels que le frère, l'oncle. Bien sûr, ça s'applique avec l'oncle, avec le frère, la tante, avec tout cela. Mais ça s'applique beaucoup plus et par prédominance avec qui? Avec les parents. Parce qu'ils sont, les proches, les plus proches. Et ils sont la cause de mon existence. N'oubliez pas que votre père et votre mère sont la cause, un sabab, de votre existence. Naam. Tfadla, inshallah, à vous les questions. Naam, il reste encore deux questions. On vient de dire qu'il reste encore deux questions. Pour le fait... Pour le fait de regrouper les salats à cause du travail, c'est un pays de mécréance, Naam, et il n'y a pas comment faire, et que je dois travailler, Naam, certains savants ont dit que, yani, si c'est vraiment la dernière solution, il peut le faire. Certains savants ont dit, si vraiment il ne reste aucune solution, c'est terminé. Ils ont dit, il peut le faire à condition que, entre-temps, il cherche un autre travail où il est permis qu'il fasse les salats. Normalement. Et la deuxième condition, c'est que si la personne qui a émis le vœu de faire les 15, de faire 12 rak'at, si Allah subhanahu wa ta'ala lui donne ce qu'elle avait. Maintenant que Allah ta'ala lui a donné ce qu'elle avait, il faut quoi? Comment dit Allah ta'ala? Un mufuna bi'ahdihim ida ahadu. Et Allah ta'ala dit, yufuna bin nadr. Il faut maintenant qu'elle fasse son pouce. Pour faire ce qu'elle a promis de lâcher. Pourquoi? Parce que personne ne l'a obligé à ce qu'elle dise cette phrase. Et maintenant, dès que Allah ta'ala lui a donné ce qu'elle voulait, il y a le shaitan qui vient et commence à te dire, tu peux pas, c'est beaucoup, c'est difficile, etc. Non, je vais m'efforcer, faire mon... possible, être sincère avec Allah, comme il m'a donné. C'est une chose, en fin de compte, qui te revient à toi ou bien. Qu'est-ce qui va gagner? Soit qui va gagner ou laisse une autre personne. C'est toi qui vas gagner en respectant cette chose. Donc je dis à la personne, quand une personne fait un vœu d'obéir à Allah, elle doit faire son possible, yani, de continuer. Jusqu'à ce que vraiment, elle ne puisse faire la kafara, qui consiste à jeûner 3 jours, ou bien nourrir 10 pauvres. Naam. Allahu ta'ala alam. Cheikh, vous avez répondu à la question par rapport à la sœur qui a fait des prières surrogatoires et la promesse qu'elle a faite envers Allah Azzawajal. Je sais pas si vous l'avez oublié ou pas. Parce que la sœur a dit que c'est pas les 12 rakat, c'est en dehors des autres salat. Ça n'a rien à voir. Tafadhal, Cheikh. Yanni, elle n'a pas compris la réponse, cher. Parce que la sœur me demande, elle n'a pas compris la réponse. Donc je répète, inshallah ta'ala, je résume, c'est pas je répète, je résume. Elle doit faire son possible pour qu'au jour où elle ne puisse plus les faire, quand vraiment elle trouve qu'elle peut plus les faire, là, yanni, pour maladie, pour vieillesse, pour je ne sais pas, dans ce cas, elle passe à quoi? Elle passe à l'expiation. Elle passe à l'expiation qui est de jeûner, de nourrir 10 pauvres, sinon de jeûner. Inch'Allah ta'ala. Donc la question suivante. Question de Souleyman 22. Salam alaykoum, Cheikh. J'espère que vous allez bien ainsi que votre famille. Qu'Allah vous récompense et vous élève en degré. Voici ma question. Comment faire pour aimer ce qu'Allah aime et détester ce qu'il déteste, sachant que nous délaissons les péchés pour Allah, mais que certains péchés sont encore dans notre cœur, comment faire pour s'en détacher? Barakallahu fikoum, une sœur essaie de vous joindre depuis quelques mois. Pouvez-vous lui accorder un rendez-vous téléphonique? Jazakumullah khairan. Question de Saad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La personne veut faire la hijra, mais elle n'a pas fait la salat istikhara. Est-ce que sa hijra est valide s'il l'a fait sans faire la salat istikhara? Question de Abu Sulayman 13. Salamu alaykoum, cher. Qu'Allah vous accorde le Firdaous pour votre effort à aider la Oumma et les personnes de France qui vous écoutent. Ma question concerne les rites funéraires tirés du livre du Cheikh Al-Albani, Rahimahullah. Au chapitre. Ah, je répète, cher. Comment faire pour aimer ce qu'Allah aime et détester ce qu'il déteste, sachant que nous délaissons les péchés pour Allah, mais que certains péchés sont encore dans notre cœur. Comment faire pour s'en détacher? Barakallahu fikoum, une sœur essaie de vous joindre depuis quelques mois. Pouvez-vous lui accorder un rendez-vous téléphonique? Jazakumullahu khairan. Donc, question de Abu Sulayman 13. Salamu alaykoum, cher. Qu'Allah vous accorde le Firdaous pour votre effort à aider la Oumma et les personnes de France qui vous écoutent. Ma question concerne les rites funéraires tirés du livre de Cheikh Al-Albani, Rahimahullah, au chapitre Tomber en martyr sur le champ de bataille. Cheikh Al-Albani cite dans un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam cite six caractéristiques que le martyr aura auprès d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le martyr pourra intercéder en faveur de 70 personnes parmi ses proches. Entre parenthèses, hadith authentique rapporté par Tirmidhi, Ibn Majah et Ahmed. Voici ma question. Si la personne qui meurt martyr a parmi ses proches des mécréants, entre parenthèses, frères et sœurs ou parents, pourra-t-il intercéder pour elle auprès d'Allah? Est-ce que cette intercession concerne uniquement les musulmans? Et qu'en est-il? Naam, cher. Vous avez entendu le hadith, cher? Le martyr pourra intercéder en faveur de 70 personnes parmi ses proches. Vous avez entendu jusque-là, cher? Alhamdulillah. Donc, voici ma question. Si la personne qui meurt martyr a parmi ses proches des mécréants, frères, sœurs ou parents, pourra-t-il intercéder pour elle auprès d'Allah? Est-ce que cette intercession concerne uniquement les musulmans? Et qu'en est-il des gens nés de parents musulmans qui ne pratiquaient jamais la salat? Dans leur vie, auront-ils droit à cette intercession? Barakallahu fikoum cheikh, de me répondre précisément à chacun de mes points. Salamu alaykoum. Donc on passe à la question de Abou Adam 91. Je suis un converti issu d'une famille nombreuse de chrétiens. Nous sommes, mon fils et moi, les seuls musulmans. Avec mon fils, mes parents ne se sont jamais mariés. Chacun d'eux se sont mariés et ont eu des enfants de leur côté, chacun de leur côté. Comment dois-je considérer mes liens de parenté? Mon père est-il mon père devant Allah et mes frères paternels? Ma mère et mes frères maternels et mon fils devant ces derniers? Comment doit-on le considérer? Barakallahu fikum. Barakallahu fikum, cher. Ça, c'est la première question. Donc on passe à la deuxième question de K. Aslimia. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je souhaiterais savoir si pendant Tarawih, nous pouvons lire le Coran en même temps que l'imam, mais en français. Alors, tfaddal cheikh. Oh, j'ai pas vu le message, akhi. Non, cher. Juste 2 minutes, inshallah. Tout à l'heure, il y a une question qui vous a été posée sur le fait de regrouper Salat al-Dhuhr ou al-Asr. Donc, à savoir si on devait attendre que ça rentre dans le temps de Dhuhr, bien dans le temps de l'Asr. Et je ne crois pas que vous avez répondu. Wallahu alam. Atfadal, cher. Muslim. Muslim El Rouraba. En ce qui concerne la personne qui a posé des questions sur l'Ahar, on a cité un seul point, sur les parents. Non, les parents, l'intercession des parents, Yom El Qiyama, si les parents ne faisaient pas la salat. Ça, c'est un seul point. Car le questionneur a dit, j'espère qu'il répondra aux deux points. Je trouve ici qu'il y a un seul point. Non, il a dit premièrement. Deuxièmement, je demande à Rouraba, je crois, de répéter la question sur celui qui a dit que mon père et ma mère ne s'étaient pas mariés, etc., sur les liens. Tfadal. Donc je vais répéter la question. Il dit en fait, le frère dit qu'il est converti, issu d'une famille chrétienne. Donc lui et son fils sont les seuls musulmans de cette famille-là, cette grande famille, avec son fils. Donc ses parents, ils se sont jamais mariés. Yani sa mère et son père de yani biologique, ils sont pas mariés. Chacun d'eux, par contre, ils se sont séparés, ils se sont mariés chacun de leur côté, ils ont eu des enfants. Donc comment il doit, lui le frère, il dit comment on doit considérer ses parents. Yani le lien qu'il a avec ses parents. Il dit, il pose la question, mon père est-il son père est-il son père devant Allah? Et les enfants de son père sont-ils ses frères du côté paternel? Yani des demi-frères. Et du côté de sa mère, est-ce que les enfants de sa mère sont-ils ses demi-frères maternels? Et donc son fils devant ces derniers. C'est quoi le lien de parenté qu'il a, son propre fils à lui, avec ses parents et tout. Voilà, cher, tfaddal, si vous m'avez bien compris, Inch'Allah. Naam, alhamdoulilah, j'ai tout compris. On commence, Inch'Allah ta'ala, par la première question. Naam, la première question, il faut avouer qu'elle est difficile. Elle dit comment aimer ce qu'Allah ta'ala aime et quoi. Et yani, détester ce que Allah subhanahu wa ta'ala déteste. Et vous savez que aimer ce que Allah ta'ala aime et détester ce qu'il déteste, c'est vraiment, quand on arrive à ce point-là, on arrive à un statut vraiment haut. Vraiment haut, le fait d'aimer pour Allah subhanahu wa ta'ala, de détester pour lui. Que ce soit d'aimer pour lui des personnes et de détester des personnes, que ce soit d'aimer des choses et de détester des choses. Non. Et plus on aime Allah subhanahu wa ta'ala, plus on va faire des sacrifices pour lui. Sacrifices en délaissant ce qu'on aime. Et même en aimant ce qu'on déteste. Voilà la chose, tu ne l'aimes pas, mais à cause de Allah ta'ala, tu commences à l'aimer. Qui par exemple aime, qui aime jeter sa couverture la nuit quand il fait froid et aller faire des ablutions et aller prier. Pas tout le monde. Même c'est difficile, c'est même contre nos passions. Nos passions, c'est de beaucoup dormir, de beaucoup manger, d'être bien couvert, de ronfler toute la nuit. Non? Donc, mais pour quelqu'un qui est pieux, quelqu'un qui aime Allah, qui l'a déjà aimé, et que Allah Ta'ala fait descendre son amour dans son cœur, yani ça devient un plaisir, un grand plaisir, de par exemple se réveiller la nuit et de faire la prière. Mouhim, comme je veux dire, ce sont des choses qui yani, arrive petit à petit, à force d'apprendre la religion, plus on apprend, plus on aime cet islam, même qui, yani, le si je puis dire, le maître de cet islam, c'est qui appartient à l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur. Et plus on aime Allah subhanahu wa ta'ala, plus on veut faire tout ce qu'il aime, et on veut s'éloigner de tout ce qu'il déteste. Et bien sûr, on fait aussi des doigts pour que Allah Ta'ala nous aide à atteindre ce rang, bi'idhnillahi Ta'ala. Maintenant, autre chose avant de finir avec cette question. Des fois, on fait des sacrifices, on fait des efforts. C'est pour ça que Allah Ta'ala dit dans le Coran, « وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا » Et ceux qui ont fait le djihad en nous, on va leur donner, yani leur donner des issues, ou quelque chose comme ça. Le messager, alayhi salam, a expliqué ce hadith dans un hadith authentique rapporté par l'imam Ahmed, authentifié par Cheikh Al-Albani, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ici le verset, ceux qui ont fait le djihad en nous, c'est-à-dire djihad nafs. Djihad nafs. Djihad nafs, c'est que j'aime pas faire la chose, mais je me force à la faire. Ou le contraire. Mon nafs veut faire cette chose, ça lui plaît, elle est excitée pour la faire, et subhanallah l'adim, je la retiens, et je lui barre la route, et elle ne la fait pas. C'est ça en fait le djihad. Sinon, où est la preuve qu'on aime Allah subhanahu wa ta'ala, si tout ce qu'il nous demandait se faisait facilement. Et tout ce qu'il nous demandait de délaisser, on délaisse facilement. Alors où est le djihad? Et le djihad, c'est quand yani, tu fais des efforts pour faire ce que tu ne veux pas faire et pour délaisser ce que ton nefs veut faire. C'est pour ça que je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à ce qu'on fasse des efforts dans son sentier. Pour la paix, mon cher frère ou ma chère soeur, apprends qu'en général, c'est ça la règle. Il n'y a pas d'istikhara, il n'y a pas la salle de la consultation dans une chose obligatoire. Tu ne vas pas faire salat istikhara, par exemple. Est-ce que tu vas faire demain salat sobh ou tu ne vas pas la faire? Attendez, je vais faire salat istikhara si je vais aller au hajj ou je ne vais pas. Tu ne peux pas. Ce sont des choses obligatoires. La même chose, il n'y a pas salat istikhara pour des choses de haram. Je vais faire salat istikhara si je vais aller au bar aujourd'hui ou là je ne vais pas aller. Il n'y a pas. Pourquoi? Boire l'alcool, c'est haram. Ce n'est pas la peine de faire istikhara. Zina, c'est haram. Le vol, c'est haram. Il n'y a pas d'istikhara. Donc, la hijra étant obligatoire, il n'y a pas de salat istikhara pour la hijra. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a istikhara pour choisir le pays. Par exemple, tu doutes. Est-ce que je vais aller en Algérie ou bien je vais aller en Égypte? Je vais aller en Algérie ou bien en Égypte? Attends, je vais faire istikhara. Non, je vais faire istikhara. Tu choisis, tu dis, je crois que je vais aller en Algérie. Mais attends, je vais faire istikhara. Tu fais istikhara pour choisir. Inch'Allah ta'ala. De toute façon, si tu fais la hijra et tu viens en Algérie, n'oublie pas de venir faire un tour chez moi et ramène un couffin plein d'aubergines. Tu vas là-bas au carrefour, tu achètes les aubergines et tu viens avec un couffin plein. Et Inch'Allah ta'ala, maintenant ça, c'est plus les nougats, c'est les aubergines maintenant qu'on ramène. Naam, enfin pour l'intercession, je crois que c'est la dernière question. Naam, pour l'intercession, ce qu'il faudrait savoir, c'est que l'intercession, c'est seulement pour les musulmans, pas pour les koufars. Pourquoi? Où est la preuve? Naam, où est la preuve? La preuve, c'est que Allah Ta'ala dit dans le Coran que jamais, jamais, jamais, il ne pardonnerait à qui? À quelqu'un qui est mort kafir. Naam. Quelqu'un qui est mort kafir, Allah Ta'ala dit dans le Coran que jamais il ne lui pardonnerait. Donc, à quoi ça sert de faire l'intercession? Il n'y a pas d'intercession pour quelqu'un qui est mort kafir, sauf comme vous savez, l'oncle du messager d'Allah, le messager va lui faire une intercession pour lui apaiser un peu, yani, pour lui alléger le châtiment. C'est tout. Mais pour un kafir, il n'y a pas d'intercession. Taïb, reste maintenant pour celui qui ne fait pas la salate, les parents qui n'ont pas fait la salate, est-ce que yani, le shahid peut faire l'intercession pour eux ou pas? On va répondre d'une façon très simple, on va dire, celui qui ne fait pas la salate, il y a quoi? Il y a une divergence entre les savants. Est-ce qu'il est kafir ou il n'est pas kafir? Si on prend de l'avis qu'il est kafir, il n'y a pas d'intercession. Si on prend de l'avis qu'il n'est pas kafir, il y aura l'intercession pour celui qui n'a pas fait la salate. والله تعالى أعلم. نعم. Enfin pour la dernière personne qui a dit qu'elle avait des parents. نعم. Ils se sont jamais mariés. Ensuite, ils ont eu des enfants. Bien sûr, ils ont eu entre autres cette personne. Cette personne a un enfant et dit maintenant que son père, enfin biologique, s'est marié avec une femme, sa mère. Enfin, sa mère, sa vraie mère, s'est mariée aussi avec un homme. Maintenant, ils ont des enfants. Est-ce que ce sont des demi-frères ou ce ne sont pas? Et quel statut par rapport à son fils à lui? Même les parents. Non. Réponse, Inch'Allah Ta'ala. Quant à l'homme, elle est le père biologique. Je m'adresse à toi, mon cher frère. Mon cher frère qui s'est reconverti. Ton père biologique n'est pas ton père de ton existence. Donc celui-là, c'est un étranger pour toi. C'est-à-dire si tu le rencontres dans la rue, c'est comme si tu l'as jamais connu ou l'as rencontré. Et cela va de soi par conséquent que tous ces enfants qu'il va avoir avec une autre femme sont des étrangers pour toi et pour ton fils. Pour toi et pour ton fils. Non. Donc, si cet homme-là, ce père biologique, s'il va avoir des filles, elles vont être des étrangères pour toi. Elles doivent se violer, se voiler devant toi et devant ton fils aussi. Non. Et bien sûr, ce sont des étrangères par rapport à toi et par rapport à ton fils. Maintenant, quant à ta mère, c'est ta mère. Pourquoi? Parce que non, tu es sorti de son ventre. Donc, celle-là, c'est ta mère, tu l'héritais, elle t'hérite. Bien sûr, et les enfants qu'elle va avoir avec un autre homme, si elle se remarie, elle a eu des enfants, donc ces enfants sont qui? Sont tes demi-frères. Donc, ce sont des oncles à ton fils. Un ibkhal. Ce sont des oncles à ton fils du côté de qui? Du côté maternel. Du côté maternel. J'espère, Inch'Allah Ta'ala, que la question est claire. Non. Quant à Salat Taraweeh, en lisant le Coran derrière l'imam, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas, surtout si on va lire en français. Lui, il est en train de lire en arabe, nous, on lit en français. Ça veut dire qu'on a vraiment contredit ce qui nous est demandé. Qu'est-ce qui nous est demandé? Ce qui nous est demandé, Fais-d'accord, c'est tout. Il nous est demandé que si on lit le Coran, de l'écouter et de l'entendre. Comment se fait-il que maintenant, lui, il est en train de lire le Coran en arabe et moi, je suis en train de lire une autre chose en français. Ça ne se fait pas. Au moins, si vous étiez en même temps en train de lire du Coran en arabe, au moins. Certains savants ont dit pendant Taraweeh, ça ne fait rien si la personne lit le Coran en arabe à condition de guider. Ce n'est pas lorsqu'elle est derrière l'imam, non. Lorsqu'elle est en train de guider, certains ont dit c'est possible de prendre pas bien le Coran. Malgré cela, Cheikh Al-Albani a dit non, il a dit uskunu fi salat. Le hadith a dit ne bougez pas dans la salat. Et pour ne pas bouger, pour avoir d'humiliation, il ne faut pas lire. Il faut pas lire. Allahu a'lam. Pour le regroupement de salat al-dhuhr et al-asr, qu'est-ce qu'on fait? Si je suis sûr que je ne vais pas quitter mon travail jusqu'au soir, là c'est trop tard, je groupe au début, par exemple, Salat al-Dhuhr et l'Asr. Mais si je laisse Salat al-Dhuhr pour l'Asr tout à l'heure, c'est-à-dire je l'espère pour la fin, avec dans la tête, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Il peut se passer que peut-être je me libère, peut-être on va me libérer, peut-être je ne sais pas ce qui peut se passer. Et je le referai, je ferai chaque salat seul, c'est mieux bidnahi ta'ala. Non. Mais l'essentiel, c'est quoi? C'est celui qui regroupe, c'est mieux que celui qui ne fait pas du tout. Mais il faut toujours penser comment faire la hijra et comment changer de travail au moins. Bidnillahi subhanahu wa azzawajal. Est-ce que c'est compris, inshallah ta'ala, l'akh muslim, dis-moi. Alhamdulillah. Donc, Alhamdulillah. Donc, je sais que en venant dans cette section qui est la France, en France, maintenant, on est en train de donner des cours dans la section France. Je sais que sûrement que ça n'a pas dû faire plaisir aux takfiri. Les takfiri, on va beaucoup les gêner ici. Europe, France, on va beaucoup les gêner. Pourquoi? Parce que ils ont trouvé le chemin libre. tout seul dans la section. Regardez, il y a trois salons, les trois sont des tkfirés. Non. Islam sans préjugés, monothéisme, expliquer l'islam aux non-croyants. Trois salons de tkfirés. Hein? Alors sûrement que ça leur plaisait beaucoup de parler au nom de l'islam, de dénigrer l'islam, de donner une fausse image de lui, de faire fuir les gens et de se trouver. Tout seul sur le chemin. Alhamdoulilah, ils ne savent pas que je suis là-bas. Subhanallah, j'ai entendu quelqu'un leur dire, il leur a dit, Allah, vous avez exagéré. Il leur a dit, vous avez, maintenant on va devenir une section de... Non, quelqu'un leur a dit, vous avez exagéré. Les kofas, ils ont dit quoi? D'accord. Bouteflika, le Kadhafi, le Zindin, tout ça, ce sont des kofas. D'accord, entre parenthèses, c'est pas vrai, mais polémiquement. Mais il leur a dit, mais on ne va pas parler du matin au soir de ça. Pourquoi? Ils n'ont que ça dans la tête. Il ne peut pas t'apprendre autre chose, car il n'a pas autre chose. Subhanallah al-Azim. Demandez à, je ne sais pas qui, à un mécanicien qui n'a jamais étudié le tafsir, dites-lui, apprenez-moi le tafsir. Il va vous dire, je ne peux pas. Ce n'est pas de ma faute, j'ai jamais appris le tafsir, jamais. Est-ce que moi, par exemple, moi, qui n'ai jamais appris le chinois, est-ce que je peux vous apprendre le chinois? Je ne peux pas, c'est impossible. Sauf si je répète les mêmes mots. Ching chong. Chong ming, un chong chong, cinq ching chong, kaki chong. Ça, chong chong chong, muslimona, voilà-bas, aubergine, tchabacho. Vous avez compris? C'est tout ce que je peux donner. Donc les tekfirés, c'est la même chose. Du matin au soir, ils ne sortent pas du même sujet. Même sujet. Tarot, kefir, tarot, mécréant. Tarot, kefir. Les gens auront marre tôt ou tard. Ensuite, on ne va pas leur laisser la voie libre comme ça. C'est une grande responsabilité demain devant Allah. Demain devant Allah, les laisser parler au nom de l'islam, alors qu'il y a d'autres personnes qui peuvent parler et montrer, Inch'Allah Ta'ala, le vrai islam. C'est pour ça qu'on ne devra pas se compter, Inch'Allah Ta'ala, avec cela. Et encore, mieux que cela, je vais vous dire mieux que cela. Mieux que cela, Inch'Allah Ta'ala. Moi, bi'idhnillahi ta'ala, j'ai ouvert mon salon dans la section Europe et France avant eux. Il y a 2 années, je faisais déjà des cours sur section Europe. Donc, ils ne m'ont pas dévancé. Ça veut dire tout juste que je suis revenu vers ce que j'ai commencé il y a des années. Donc, Inch'Allah ta'ala, s'ils disent des choses, sinon moi, qu'ils disent ce qu'ils veulent, moi, quand je fais une chose, je la fais pour Allah. Barrer la route aux innovateurs, barrer la route aux déformateurs, barrer la route à ceux qui amochissent l'islam, c'est vraiment un djihad, fi sabilillah. C'est un djihad. Tous les gens, je suis sûr, qui sont rentrés dans leur salon, qui ont entendu, qui ont cru que c'est ça l'islam, ont juré par le Tout-Puissant de ne jamais rentrer en islam. Ils ont dit, puisque c'est ça l'islam, oh, donc, alhamdoulilah, que je suis jamais rentré dans cet islam. Non. Donc, c'est alhamdoulilah qui nous a jeté cette chose dans le cœur, qui a fait de sorte qu'on soit venu de ce côté, inshallah. Ta'ala. Abdullah 15, j'ai cru le voir ici, si je ne me trompe pas. J'ai cru voir ce prénom. Hein. Abdullah 15, hayyakallah. خذ الميكرو ان شاء الله سلم علينا بارك الله فيك عبد الله 15 يكون ان شاء الله تعالى pour être quelqu'un qui fait la da'wa là-bas en Angleterre. نعم je lui donne ان شاء الله تعالى le mot. تفضل. Bon, je crois que عبد الله 15 n'est pas avec nous, un musulman, pour le rendez-vous téléphonique ان شاء الله تعالى l'autre ان شاء الله تعالى lundi. Écoute, lundi à 20h. Inch'Allah, lundi à 20h pour le rendez-vous téléphonique. Inch'Allah ta'ala. Naam. Et Inch'Allah ta'ala pour le tafsir, quand on va commencer Inch'Allah ta'ala le tafsir, vous allez voir Inch'Allah ta'ala que il y a plusieurs, d'accord. C'est un autre, donc Donc vous verrez, Inch'Allah ta'ala, qu'il y a beaucoup d'intérêt. On va apprendre beaucoup de choses, Inch'Allah ta'ala. Non, on va apprendre beaucoup de choses, bidna ta'ala. Ça parle mais. Regarde, si tu as dans la cuisine une aubergine, tu prends une aubergine et tu pars, tout que là, peut-être que ça va marcher. Muslim, tu dis Inch'Allah ta'ala lundi à 20h. Inch'Allah ta'ala lundi à 20h, bi'idhnillahi ta'ala. Naam. Et naam, Inch'Allah, j'ai pas oublié pour demain, Abdullah. J'ai pas oublié, Inch'Allah ta'ala, pour demain. J'ai pas oublié pour demain. Tayeb, je dois vous laisser, Inch'Allah ta'ala, je suis fatigué. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah ta'ala, mercredi. Non, mercredi, hein? Non, mercredi. D'ici là, je vous laisse dans Hifdallah Azza wa Jal. Qu'Allah ta'ala vous récompense tous et toutes. Subhanallah et wa barakatuh. Très, très, puisse Allah ta'ala vous aimer comme vous m'avez aimé en lui. Puisse Allah vous aimer comme vous m'avez aimé en lui.